only weakness is lava. I heard he ate Lady Gaga. Probably killed Osama. Écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con. Un certain midi cette semaine. Eh bien, je vous parle du Monopoly. Eh bien, de vrais billets dans 80 éditions de boîtes, dans 80 boîtes pour le 80e anniversaire de ce jeu si célèbre et si intéressant, mais qui provoque la chicane dans les familles. Ça, c'est sûr, me semble, à chaque fois que j'ai joué au Monopoly, ça finit pas dans la joie. Pour vrai, me semble, en tout cas. Donc, pour les 80 ans de son jeu mythique, la marque Hasbro a remplacé les traditionnels billets fictifs du Monopoly par quelques véritables billets. Des billets donc disposés dans 80 boîtes seulement, aléatoirement répartis parmi les 5 principales éditions. Donc, 33 930 euros de gains ont été répartis parmi les boîtes chanceuses. 69 compteront 5 billets de 10 euros et autant de 20 euros. 10 comporteront 5 billets de 20 et 2 billets de 50 ainsi qu'un billet de 100. Et une aura une banque intégrale en euros, soit 20 580 euros répartis en 41 billets de 500 et un billet de 50 ainsi que 20 et 10 euros. Donc, on aura vraiment le kit. Les boîtes gagnantes seront réparties parmi 30 000 autres cachées dans les éditions classiques, junior, électronique, Empire et Vintage, la dernière née dont le graphisme s'inspire de l'édition originale de 1935. À la mi-janvier, dans un atelier à proximité du site de Creuswall, dans le Moselle, où sont entreposées toutes les boîtes avant leur répartition chez les revendeurs français, la mise en place de l'opération avait d'ailleurs des allures de mission top secrète. Le problème, c'est que les vrais billets font très légèrement gonfler la boîte, dont le filmage s'avère alors imparfait, ce qui annonçait comme une formalité vire alors au casse-tête chinois et au jeu de patience où comment un huissier mandaté cherche à étaler les billets sans que les boîtes gagnantes ne montrent aucun signe distinctif. Quant au poids, eh bien, tous les tests l'ont montré, la différence est marginale, à moins de venir avec une balance de précision en magasin, sourit le huissier Maître Weimer. À 80 ans, le jeu inventé après la crise de 1929 se porte toujours comme un jeune homme. Distribué dans plus de 114 pays, il se vend chaque année plus de 500 000 éditions sur seulement le territoire français. Le secret de la réussite du Monopoly, qui lance environ 5 nouvelles éditions en France chaque année, résiderait également dans l'immuabilité de ses règles et de ses noms de rues parisiennes et autres, hein, tout dépendant où vous habitez et quelle édition avec laquelle vous jouez. Seule exception, en 2013, le pion fer à repasser était remplacé par un chat au terme d'une consultation par les internautes. Selon une étude réalisée par Hasbro, le Monopoly demeure le jeu le plus vendu au monde. Et on n'est pas surpris. Ici, tiens, je vous envoie ces jeux qui nous rendent complètement accros. Eh bien, là, ça peut être des jeux autant de table que des applications. Je vous envoie un jeu qui rend les gens accros. C'est Indice et Suspect. En français, en anglais, c'est Criminal Case. C'est qui propose une nouvelle enquête par semaine. Criminal Case conserve l'intérêt de ses 9 millions de joueurs quotidiennement. Donc, ça marche bien, un jeu à la CSI. Autre jeu ici, c'est 94 secondes. En français, un thème, une lettre et un mot à trouver. Donc, le temps de jeu de réponse, c'est le ressort principal de ce jeu qui se nomme 94 secondes. Voici le type de jeu qui devient vite le bouche-trou de vos temps morts quotidiens. Alors, 94 secondes, c'est ça, il faut trouver un mot, un thème, une lettre, un mot à trouver. Vraiment, ça fait penser un peu à genre 4 images, un mot et ce genre de jeu-là. Autre ici, Paf le chien, un personnage sympathique et maltraité. Ce jeu, qui va fêter ses 4 ans, a d'abord été lancé sur Facebook. Au sommet de sa célébrité, Paf le chien réunissait plus de 7 millions de joueurs par jour. Aujourd'hui, Paf compte encore 1 million de joueurs. Donc, ça l'a quand même baissé assez royalement. Sinon, le fameux Farmville, hein, la simulation en temps réel, la clé de l'addiction de Farmville, c'est le temps réel. Bref, si le joueur ne se connecte plus, il perd le fruit de son travail. Et ben oui, c'est pour ça que je jouerai jamais à Farmville. Ou en tout cas, je vais peut-être jouer une semaine, puis après, ben, mon champ va devenir désert. Sinon, Ruzzle, c'est le jeu de mots fléché qui repose sur le défi entre joueurs. OK, donc on peut se lancer des défis entre joueurs. Je comprends pas, j'aurais aimé qu'on nous explique un peu plus rapidement. Mais bon, on peut voir ici quelques images via la page Facebook du Dîner de con. Sinon, le fameux Angry Bird, hein, le jeu Saga. Vous jouez encore au jeu qui a fait la fortune de Rovio. Peut-être est-ce dû aux nombreuses versions qui sont sorties ces dernières années. Et là, la dernière en date, c'est un Angry Bird édition Star Wars. Et puis, ça a l'air que ça marche encore. Et autre jeu viral, simple et qui fonctionne vraiment, Candy Crush. C'était le top de ces jeux qui vous rendent accro, parce que moi, il n'y en a pas un là-dedans, à part peut-être Criminal Case qui m'intéressait un peu. Sinon, bien tiens, on va parler de pénis d'ours polaires qui sont menacés par la pollution en Arctique. Les ours polaires ne sont pas seulement victimes du réchauffement climatique qui entraîne la fonte de la banquise sur laquelle ils vivent. Ils sont aussi touchés dans leur chair par la pollution provoquée par l'homme. Les polychlorobinéphényles, plus connus sous le nom de PCB, affectent les os péniens des ours polaires, révèle une étude danoise et canadienne publiée dans la revue Environmental Research. En février et repéré par le blog Monde. Les PCB ont été très employés dans l'industrie avant d'être interdits compte tenu de leur nocivité, mais ces molécules cancérogènes et perturbatrices endocriniennes ont la vie très dure. Les PCB se sont dilués dans l'océan où ils ont été absorbés par les organismes vivants des plus petits aux plus gros. Hein? Plus on remonte la chaîne alimentaire, plus les PCB se concentrent et plus leurs effets se font ressentir et les ours polaires sont bien sûr au sommet de cette pyramide écologique. Les chercheurs ont pu analyser les os péniens des ours polaires grâce aux populations locales qui les conservent comme trophées de chasse. Résultat, les plantigrades vivant dans les régions les plus exposées aux PCB, comme le nord-est du Groenland, sont aussi ceux qui ont les os péniens les plus petits et les moins solides. Triste chose. Les chercheurs estiment qu'une telle fragilisation de l'os péniens pourrait conduire à un risque accru d'extinction de l'espèce en raison de l'échec de l'accouplement et de la fertilisation qui pourrait résulter d'os péniens affaiblis et d'éventuelles fractures du pénis chez ces grands mammifères qui peuvent peser quand même jusqu'à 800 kg. Une mauvaise nouvelle de plus pour cette espèce déjà classée comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Hein? Une autre raison de faire attention à nos petites bêtes et faire attention à ce qu'on fait, à nos gestes. Mais il faut surtout avoir des intentions politiques, hein? Parce que nous, tout seuls, dans notre petite maison, c'est pas nous qui fait la grosse, grosse différence. Parce qu'on a beau être le plus écologique du monde et pas faire à peu près aucun déchet par semaine, les grosses compagnies et les usines et le gouvernement et tout ce qui est organisme public, c'est énorme. Et bien ça, c'est ça qui va changer vraiment la donne. Mais en tout cas, hein, vaut mieux en faire que pas un peu que rien du tout. Ici, vraiment très, très drôle. Moi, je trouve ça drôle, pour vrai, parce qu'il faut quand même voir les choses chacun de leur bord. Hein, faut que ça soit égal pour tout le monde. Eh bien, en Iran, en riposte à Charlie, bien sûr, à cette histoire de Charlie Hebdo, eh bien, on lance un concours de caricatures sur l'Holocauste. Ben oui, Charlie Hebdo, l'Iran n'a vraiment pas apprécié les caricatures du prophète Mahomet réalisées en une du dernier Charlie Hebdo. Si Téhéran a annoncé le massacre perpétré le 7 janvier à Paris, le régime iranien a critiqué cette couverture qui montre sous le titre « Tout est pardonné, un Mahomet à larmes à l'œil abhorrant le panneau « Je suis Charlie ». Par la voix du porte-parole et de sa... Pardon. Par la voix du porte-parole de sa diplomatie, l'Iran a ainsi condamné un geste insultant du journal français, estimant que le dessin réalisé par Luz porte atteinte au sentiment des musulmans. Plusieurs manifestations anti-Charlie ont eu lieu dans le pays et un journal iranien a même été interdit pour avoir été tenté de publier « Je suis Charlie » en une de son journal. Comme le rapporte le journal The Independent, citant une information du Tehran Time, eh bien, une nouvelle étape vient d'être franchie avec le lancement d'un concours de caricatures sur l'Holocauste. Un concours organisé à l'initiative de la Maison du Cartoon iranienne liée à la municipalité de Téhéran, ainsi que du centre culturel Sarcheshmeh. Le vainqueur du concours recevra la somme de 12 000 $, le deuxième 8 000 et le troisième 5 000 $, précise le journal The Independent. Les œuvres doivent être ensuite exposées au Musée d'art contemporain de la Palestine ainsi que dans différents lieux de la capitale iranienne. En 2006, le journal iranien Amshari avait déjà lancé un concours de caricature de l'Holocauste pour dénoncer ce qu'il considérait comme une hypocrisie occidentale au sujet de la liberté d'expression. Dénoncé par Israël et les organisations juives, ce concours était une riposte à la publication du journal danois Jyllen Posten, puis notamment par Charlie Hebdo, des caricatures représentant Mahomet. Ben, moi, je me dis pourquoi pas, sauf que il y a quand même une différence entre une caricature d'un prophète qui est mort il y a plusieurs centaines d'années, OK, et caricature de quelque chose. Puis on parle d'un homme religieux, d'une personnalité, tandis que là, le meurtre de plusieurs, même l'Holocauste, là, je veux dire, c'était la solution finale. C'était un génocide de tuer des Juifs. Et puis là, on fait une caricature là-dessus. C'est pas tout à fait la même chose. T'sais? Si c'était un concours de caricature sur Jésus, sur Dieu, sur le pape, sur Barack Obama, ben là, c'est un personnage, l'autre. On fait des caricatures sur un événement qui est triste, comme la mort de plusieurs milliers, je dirais millions de Juifs. En tout cas, faites-vous votre idée, mais c'est comme ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Tony, Charles-Antoine Rioux et la collègue du Club Pélin à RQTR. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé mon surnom. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah, entre nous toujours. Ouais, tout le temps. En rond plus. Tu devrais le faire quand je suis pas là. Quand je suis là. C'est ça. Allez, attention, tu vas déballer. Ouh. Alors, on voit qu'avec le temps, je gagne un peu plus de contrôle. Donc, de confiance. De confiance, c'est ça. Les 10 premiers mètres vont bien, puis le reste. tu te laisses aller. C'est hein. ça. C'est ça. C'est à venir. Donc, Chuck Tony, Club Pélin à RQTR. Hey, comme une belle bouffée d'air frais ce matin à la radio. Exactement. Alors, ce matin, on va parler de textile, en fait, de fibres. De message textile. De message textile, effectivement, c'est le message textile. Le monde du plein air a été vraiment révolutionné par beaucoup d'innovations. Bon, dans le temps, mettons qu'on remonte un peu à une histoire, les premiers à faire du plein air, ben, c'est un peu tout le monde. Quand la vie était plus dehors, les premiers à avoir inventé un peu les sports nautiques, c'est les Vikings qui partaient en bateau, pas de boussole, pas rien, tu sais. Mais il faut aussi penser que dans ce temps-là, ils bravaient tous les intempéries avec sans vêtements qu'on a aujourd'hui. Ils portaient, il n'y avait pas d'imperméable, il n'y avait pas d'isolation aussi performant, mais ils survivaient aux mêmes températures que nous. Ouais, les Vikings, c'était des toughs. Oui, c'était des toughs, mais on a aussi découvert que les Vikings avaient découvert que la laine brute, là, quand c'est bien frotté ensemble, c'est imperméable. Fait qu'il y avait en quelque sorte des capes imperméables qui étaient un petit peu au chaud. Mais c'était quand même pas les technologies d'aujourd'hui. Alors, le monde plein air, quand c'est vraiment devenu plus un loisir, plus un sport, tout ce qui est le plein air et la nature, ben les compagnies ont vu une opportunité puis ont commencé à sortir des produits qui étaient beaucoup plus spécialisés puis en lien avec ces activités-là. Puis là, aujourd'hui, en fait, je vais essayer de vous présenter un peu les différents textiles. On va revenir à la base, oublier toutes les technologies, tous les noms vraiment complexes. Revenir à c'est quoi les choses de base pour vous comprendre c'est quoi en gros ce que vous voyez sur un étalage quand il y a quatre noms différents, puis on parle vraiment du même produit en bout de ligne. À la base, c'est quoi le premier textile qui est inventé pour le plein air? Vous nous dites c'est quoi? Tout le monde en porte. Du coton, juste quelque chose de bien. Ben, c'est un bon essai, mais c'est du coton qui est travaillé un peu plus. Un indice, c'est un pantalon. Cotonnel. Des jeans, effectivement. Du denim. Ça a été une invention à la base pour faire des toiles, des bâches, en fait, en plein air. C'était des Je pense que je me trompe, ça fait longtemps que j'ai pas revisité les références de tout ça, mais c'était des gens, des scientifiques qui eux partaient en expédition pour leur recherche et cherchaient un tissu très très résistant. Alors c'était du donin ciré, c'était même tissu que notre jeans, mais ils vont vraiment appliquer une cire dessus, des fois c'est une cire d'abeille, des fois c'est une cire synthétique, qui le rendait imperméable, qui perlait dessus. Mm-hmm. Donc à la base c'était vraiment ça, mais on a découvert que le donin, comme le coton, c'est pas des bonnes fibres pour le plein air parce que c'est des fibres qui vont retenir l'humidité. Dès que ça se mouille, c'est très, très, très, très long avant que ça sèche. Okay. Puis ça, en plein air, c'est un problème. Parce que si vous portez un chandail mouillé sur le dos puis il fait froid dehors, ben vous allez avoir encore plus froid parce que votre corps va perdre l'énergie et essayer d'évaporer l'eau malgré le fait que l'énergie s'en va à l'extérieur. Donc, ouais, les jeans, c'est la première invention, c'est un gros flop total. Moi, je pense que les compagnies qui font du jeans ont quand même bien réorienté ça parce que tout le monde porte des jeans aujourd'hui. Ben ouais, ben ouais. Fait que, mettons qu'ils ont rattrapé la balle au rebond. Hein. Après ça, on est arrivé avec la laine. La laine, c'est aussi une des fibres les plus vieilles qu'on utilise. Le mouton, il y en a pas mal partout. Il y en a plusieurs sortes partout dans le monde. Puis c'est une fibre qui est intéressante, c'est que elle est non traitée, elle est hydrophobe. La laine va pas se mouiller. Même qu'elle est déperlante, un peu comme un manteau neuf qui était traité. On voit il pleut puis les gouttes, ils perlent dessus. Ouais. La laine brute, non traitée, est déperlante. Eh ben. Donc, des capes de laine, parce que la laine, ça fait un peu comme des dreads. Là. Quand t'as frotté ensemble vraiment très, très fort, elle vient qu'à faire des motons puis à faire... On voit plus les brins, c'est vrai. On a quand même une surface plus lisse, un peu plus uniforme. Ben ça fait vraiment quelque chose qui est déperlant. Mais j'ai déjà fait ça pour une perruque d'Halloween, frotter de la laine pour me faire des dreads. Oui, effectivement, ça marcherait très bien. C'est le même principe que du feutre aussi. On va prendre une fibre qu'on va frotter très très longtemps comme ça, puis ça fait vraiment une texture uniforme comme des chapeaux de feutre dans le temps. l'affaire avec la laine brute, c'est que ça sent pas très bon. Ah. Puis l'autre désavantage avec une fibre qui est hydrophobe, c'est qu'on peut pas la laver. Parce qu'on l'a mis dans l'eau. Mais parce que, bon, c'est que là, avec le temps, faire du linge avec ça, c'est pas laver du linge quand on fait du sport. Ça sent mauvais à la base et en plus, tu la laves pas, ça doit sentir vraiment mauvais. Effectivement. Ouais. Fait que là, ils ont commencé à traiter la laine. Puis la laine, à cette heure, on peut la porter en chandail. On porte souvent des bas de laine traditionnels. Mm-hmm. Elle est moins hydrophobe, on peut quand même la laver, mais ça reste une fibre qui gère bien l'humidité. Donc un bas de laine, pourquoi c'est si bon que ça en été et en hiver? C'est parce que si, en hiver, si j'ai eu chaud, la laine c'est épaisse, une grosse couche d'air, elle tient le pied au chaud. Mais si on a chaud dans le bas de laine en été, si on sue dans la laine, c'est une fibre qui va faire migrer l'humidité à l'extérieur du pied. Puis c'est sûr que ça peut se mouiller, mais à bas taux d'humidité, ça va pas condenser sur la laine. Fait en gros, la laine fait sortir l'humidité de votre pied quand vous avez chaud. Fait que ça vous tient au chaud quand vous avez froid, ça vous tient au frais quand il fait chaud. C'est-tu de la magie noire, ça? Presque. ça dépend si ton mouton il est noir. Ah! OK. Mais ça fait tout, la laine, hein, comme on dit, comme disait, c'est qui, Rock Voisine, qui disait ça? La laine, things you do, make me crazy about. Il l'avait, notre rock, il l'avait, notre rock. Le rock, là, ça, puis Black Velvet. Black Velvet. C'est des hits, là, des hits par-dessus. Ah, ce matin, c'est des grands classiques. Mais le gros désavantage de la laine, c'est quoi? Ça pique. Ah, j'haïs ça, c'est la pire sensation, ça. C'est désagréable, laine, hein? Oui. Ça est mort dans la laine quand ça grince. Ces deux choses sont vraiment pas mortes. J'ai jamais essayé, je dirais, de mordre dans la laine. Je ferai ça plus tard aujourd'hui. Ça, c'est comme grincer seul. Des ongles sur un tableau. T'as pas des bas de laine, tu peux les enlever pour que Mathieu morde dedans. j'ai pas des bas de laine aujourd'hui, malheureusement. Non. Ça aurait été drôle. Donc, la laine, l'affaire avec ça, justement, c'est que ça pique. Donc, les gens se plaignaient. Puis, il y a aussi des gens qui sont allergiques à la laine, hein, qui font des réactions, des petites intolérances cutanées. Donc, avec l'avènement du pétrole et la pétrochimie, ils ont sorti tous les tissus qui sont synthétiques. Donc, dès que vous voyez un poly comme polyester, polyuréthane, un poly en avant d'un mot là, sur un vêtement, ça, c'est du synthétique. C'est certain que c'est une fibre qui est à base de pétrole, de plastique, si on veut. Le nylon, c'est la même chose. Tous les noms qu'on peut sortir comme ça, dès que vous en voyez un qui est pas genre laine là, ou coton, c'est pas mal sûr que c'est synthétique. L'avantage de la fibre synthétique, c'est qu'elle sèche extrêmement rapidement. Parce que, en tant que tel, tous les petits brins qui forment le tissu, c'est du plastique. Fait que l'eau va pas rentrer dans le brin. Il va rentrer juste entre les brins. Donc, ça sèche super rapidement. C'est souvent très, très, très léger. Excuse-moi, j'ai l'impression que tu parles de passe-partout depuis tantôt. Tu disais que l'eau, elle va perler comme perlin, perline. Là, tu parles de petits brins. De petits brins. Moi, je suis toute nostalgique, là. C'est ça. Je parle de vêtements, puis Steph a juste des images de passe-partout qui passe-partout dans sa tête, des papillons qui se promènent. C'est la drogue. Mais ouais, fait que c'est ça pour le synthétique. Mais le gros désavantage, c'est que, c'est encore une fois, si elle devient sale, si on sue dans le synthétique, ben on veut le laver, puis la fibre est en plastique, fait qu'on n'arrive pas tout à fait à les laver comme du monde. C'est que le synthétique, ça pue. Ça pue vraiment. Fait que tout pue, finalement. Ouais. Ben, de la laine propre, non, c'est de la laine brute. Puis ça, l'affaire, c'est que quand il est neuf, il sent super bon, ton chandail synthétique. Tu vas faire du jogging une fois, tu d'un, il sent la sueur, tu le laves, tu le remets le lendemain, il ressent la sueur. C'est ça, c'est que ça colle. Il y a des savons spéciaux qui sont plus fins encore, qui vont vraiment aider. Là, je sais, mais ça coûte cher, le savon, puis c'est pas super intéressant. C'est que là, les compagnies se sont dit, bon, la laine marche pas, la synthétique marche pas. Là, on va revenir à des fibres naturelles, comme le coton ou la laine, mais qui piquent pas, qui gèrent mieux l'humidité que le coton. Et là, ils sont tombés sur un mouton néo-zélandais qui s'appelle le Merino. Oui, le fameux Merino. Ah, le fameux Merino. Ça, c'est à la mode, on en trouve même chez Costco aujourd'hui. Arrête. C'est quoi ce Merino? C'est un gros mouton. Puis un gros mouton en Nouvelle-Zélande, puis toute la laine vient de lui. En fait, c'est un mouton qui est très très gros, qui a une très très grosse couche de laine. Et la grosse différence avec la laine de mouton et la laine de mérino, c'est quoi? C'est la grosseur des brins. La grosseur des brins. Le mérino, c'est une fibre qui est beaucoup beaucoup plus petite que le mouton que nous on connaît. Okay. Ce qui fait que ça pique pas. Ah. Mais là, c'est magique. C'est magique. La mèche blanche. Mèche blanche. Parce que le mérino, il est blanc. Mais si c'est un mérino noir, ben, ça va être le mérino noir pareil. Y a-t-il des mérino noirs? Ah. Oui. Oui, il y en a une tacheté. Il y a toujours un mouton noir. Il y a toujours un mouton noir. Tacheté. Oui. C'est une vache frisée. C'est ça. Napolitaine. Vous irez voir Merino, M-E-R-I-N-O-S, sur Google, sur des belles images. C'est vraiment des drôles de bêtes. C'est des gros. Il y a les cornes, ils sont beaucoup plus au bouc. Mais grosso modo, c'est ça. En fait, c'est vraiment du mérino, c'est un mouton. Donc, quand on voit laine de mérino, ben, c'est juste de la laine bien normale, mais les fibres sont plus petites et que ça pique pas. Mon vieux, il y a donc des plis après ça. Oui, il y en a quand même des gros, gros manteaux de fourrure. On dirait, tu sais, les chiens avec les plis. Tu sais, Claude Blanchard. Ça ressemble à ça. Aïe, aïe. Puis après... Ça ressemblait à ça, je pense qu'il est mort. Ouais, c'était pas super poli. Ouais, c'est too soon. C'est ça. Non, ça fait longtemps qu'il est mort. Ouais, c'est ça. Il est jamais trop tôt. Non, nous trop tard. Ni trop tard. En tout cas. On disait Merino. Le Merino. Donc, c'est ça, notre fameux mouton. J'ai perdu mon idée. C'est la faute à Claude Blanchard. Claude Blanchard. Merci, M. Blanchard. 2006 qui est mort. 2006, ah, bon. C'est quand même un bout. Hein. Ouais. Hey. Impressionnant. Ah ouais. C'est 9 ans. Ouais. On peut rire. Pour revenir à son homologue animal, justement, qui a pas de plus que lui dans sa fourrure. Fait que c'est ça. Souvent, les compagnies vont vendre du mérino très très cher, juste parce que le mot mérino dessus, ben c'est quand même juste de la laine. Oui, elle vient de loin. Oui, c'est juste un mouton qui est endémique à la Nouvelle-Zélande. Fait qu'on trouve quasiment juste là. Ils n'ont pas réussi à le. Ben, le... On pourrait l'exporter pour l'élever ailleurs, effectivement. C'est un mouton qui. En Nouvelle-Zélande, il y a quand même des hauts et des bas de température assez extrêmes. Ouais. C'est un peu comme au Québec, on peut atteindre les 35 degrés l'été. Ça en va de nous autres. Des moins 40 l'hiver, sur le chaud de base, c'est ça. C'est l'hiver, c'est l'été là, en ce moment là-bas. C'est vrai, sont dans l'hémisphère sud. Mais donc, oui, en théorie, on pourrait quasiment élever. Puis en fait, je pense que l'élevage de mérino au Québec qui a démarré. Donc, oui, ça doit se faire. Par contre. Ça a démarré, nous. Ça a démarré, nous, c'est ça. C'est juste que c'est pas encore à grande échelle, mais c'est dur. Puis les grandes compagnies qui font des vêtements, souvent ils vont prendre ça, c'est une grosse production. Il faut que ce soit à grande échelle parce que les mérinos, on l'a dit, sont gros en tabarnouche. Oui, c'est ça. Donc vraiment, ça prend des gros clippers pour enlever tout ce poil-là. Ça prend l'équipe de. C'est quoi du basketball, les clippers au complet? Ouais, c'est ça pour la tonte annuelle. Ouais. Fait que c'est ça. La seule affaire quand vous achetez un vêtement qui est en mérino, s'il coûte cher, vérifiez le pourcentage. Ça c'est toujours écrit sur l'étiquette. C'est quoi parce qu'il y a des vêtements qui vont dire ah oui, c'est en mérino, puis tu vas payer 80$ ton t-shirt, puis tu regardes, puis oui, 2%, c'est effectivement 80% de laine de mérino dans ton t-shirt, ça c'est le fun. Okay. Mais si tu payes 40$ ou 60$, tu dis oh, il est moins cher que l'autre, tu regardes, puis t'as 20% de laine dans ton chandail, puis le reste c'est de la laine normale ou du synthétique, encore pire, parce que là on perd toutes les propriétés de la laine quand on le mélange avec autre chose. Ben il faut faire attention quand on l'achète. Ça serait quoi le minimum? Pour voir une bonne différence, c'est au moins 60%. Okay. L'idéal, c'est un 80%, mais au moins 60%. La note de passage, retenez ça. C'est ça, note de passage. 80%, puis, on est content. C'est ça. Dites-vous que plus, comme à l'école, plus t'as une bonne note, plus t'es content. B+, plus, puis ouais. Ça va me faire. Ouais. Mais mettons un A- moins, pour être vraiment optimal. Parfait. ça dépend des départements. Oui, oui. Oh, oui, vraiment. Par la conversion, puis la courbe de... Ben ouais, la fameuse normalisation. Ah, les stats. Et puis après ça, il y a aussi d'autres révolutions qui sont arrivées dans le monde du plein air. Une qui est très très récente, je dis révolution parce que avant qu'on ait le mérino, c'était très très synthétique. Puis il y avait quand même beaucoup de lacunes. Mais une fois, pour ça, la laine est sortie, puis là, ça fait quand même 10 ans quasiment que ça existe, le mérino, que c'est très très grande échelle, puis c'était une grosse révolution. Et les compagnies se sont dit, on pourrait explorer d'autres fibres naturelles comme ça. Puis là, ils ont sorti autre chose qui s'appelle la viscose de bambou. Donc c'est de la fibre de bambou qui vont briser des produits chimiques. ça va réaligner en film, puis ils vont tisser des tissus avec ça. Okay. Ça fait une film qui est extrêmement douce. C'est super, super agréable. Soyeux. C'est pas comme tes bobettes. Ben, j'allais le dire, sans, peut-être pas dans ces mots-là, mais moi, des sous-vêtements en bambou, mettons. Là, oui. C'est fait avec ça. Ça fait ça. C'est parce exactement génial, ça. On s'entend que c'est génial. On voit que la texture est intéressante. Oui. Hein, c'est un confort qu'on trouve pas nulle part ailleurs. C'est vraiment le fun. Ça a les mêmes propriétés un peu que la laine. C'est que ça nous tient au chaud quand il fait froid, au frais quand il fait chaud, puis ça gère très bien l'humidité, ça sèche très, très vite. Ils font des draps aussi. Ils font si je me trompe tout pas. En ça, à cette heure, en fait. Okay. Le bambou est une plante qui a un taux de croissance annuel qui est incroyable comparativement à d'autres plantes. On peut le cultiver intensivement sur des grosses surfaces sans trop ouvrir le sol, puis avoir des gros, gros volumes qu'on sort à chaque année. Ils font tout avec ça. On a vraiment réalisé que c'est une plante qui est hyper polyvalente jusqu'à faire du textile. C'est facile à faire vivre, parce que même moi, je n'ai un chez nous puis il n'est pas mort. Non, ça, c'est hyper tough. Ça pousse dans des places où que d'autres plantes ne poussent absolument pas, dans où il y a juste la soie. De l'eau et de la roche. Exactement, ça prend quasiment tout. C'est un peu comme notre chanvre ici en Amérique du Nord, parce que le chanvre a à peu près les mêmes propriétés, point de vue. On peut en faire du textile, on peut en faire du linge, on peut tout faire avec, comme le bambou. Mais mettons que le chanvre est plus dur à faire pousser pour certaines polémiques. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Donc, oui, effectivement. Puis ça, c'est une nouveauté. Même qu'on retrouve de plus en plus dans le monde du plein air de textiles de bambou pour remplacer le mérino parce que c'est une fibre qui coûte moins cher à produire à la base. Comme c'est végétal, on peut vraiment en faire des plus grosses quantités parce qu'animal veut pas, on est limité à la laine qu'il y a sur un mouton, on peut pas en avoir plus, on veut pas en produire plus, en sortir plus de notre main. Parce que là, c'est vraiment des plantes. Puis comme on dit, le bambou, c'est assez prolifique. Mm-hmm. Ah, c'est intéressant. Donc c'est ça. Voilà un peu ce que vous avez regardé. Si vous regardez un peu l'étiquette d'un vêtement de plein air que vous voulez acheter, et vérifiez le pourcentage d'un produit. S'il vend très cher, le pourcentage est bas, ça vaut pas tant la peine. Sinon, ça vaut la peine de payer le prix. Il y a des compagnies aussi qui sont équitables à ce niveau-là. Il y a des compagnies qui s'assurent, comme Icebreaker par exemple, qui font de la laine de mérino, qui s'assurent que le mouton est bien traité. Même que dans chaque chandail ou dans chaque morceau de vêtement, il y a une petite étiquette de verre qui s'appelle le barcode, BAA code. C'est un peu jeu de mots avec barcode, mais avec le petit bas du mouton, où ce qu'on peut retracer le troupeau d'où vient votre d'où vient votre morceau de vêtement. Ça, c'est assez intéressant. Ouais. Fait qu'il y a quand même, oui, comme toute industrie où on sert de fibres animales, il y a des risques de maltraiter les animaux, mais il y en a qui font quand même attention. Ça doit être le fun, t'as ton chandail en laine de mérino, tu t'en vas en Nouvelle-Zélande faire un câlin à ton mérino. En fait, tu peux aller sur Internet, sur le site de la compagnie, tu te rends le barcode, puis ils vont te montrer il est où le troupeau en Nouvelle-Zélande, puis c'est quand même très cool. C'est le fun. C'est pas mal le fun. C'est le fun. Tu peux t'attacher. Oui. Peux-tu l'adopter comme un petit enfant en Afrique? Je sais pas si tu peux. Le parrainer? Je sais pas. En fait, je sais pas si tu peux même choisir ton chandail pour qu'il vienne tout de la même place. Ah, c'est compliqué. C'est bien compliqué, hein. Hey, je te dis, non, vous compliquez les affaires un petit peu. Sur j'aime pas ça. Donc, tu peux pas parler, toi. C'est tu ça. Compliques tout. Donc, ouais. le mot de la fin, évitez le coton si vous allez dehors, ça gère mal l'humidité. C'est oui, ça coûte pas cher, oui, tout est fait en coton, mais une fois que c'est mouillé, ça sèche pas, puis c'est pas super le fun. Ouais. Ben, Colin, j'ai appris encore plein de choses sur les mérinos. Je sais que tu en parles une fois de temps en temps dans ta chronique, puis à chaque fois, je suis comme intéressé, puis je vais m'en acheter, puis je pars en peur. C'est mais là encore plus cette fois-ci. Maintenant que je sais vraiment d'où ça vient, puis que le mouton mérino, je l'appelle Mer. La meur. Qui ressemble à Claude Blanchard. Je mets la face de Claude Blanchard dessus. Là, je le veux. Là, je veux le coller. Puis il est mort. Ouais. Ça me rappelle les souvenirs de Claude Blanchard. Il va continuer à vivre à travers son homologue animal. Et on te retrouve, Charles-Antoine Rioux, dans deux semaines. Dans deux semaines, effectivement. Mais avant de se quitter ensemble, parlons du Club plein air QTR. Le Club plein air. En fait, on a, comme je le dis depuis quelques semaines, on a officiellement un local. Oui. Et il commence à vivre, ce local. En fait, il est juste en face de la cafétéria. Puis, lundi, mardi, mercredi, les midis, on est là. On a maintenant des permanences. Vous passez quand vous voulez. Et quand on est là, il y a aussi un peu de thé et de café qu'on offre gratuitement. Donc, vous venez en chercher. C'est quand même du bon café plus du bon thé. Vous êtes les bienvenus. On a aussi des activités qui s'en viennent. La plus imminente va être le 18 février. C'est un mercredi. C'est une initiation à l'escalade de glace. Donc, okay. Ça se fait à Maïkan. Ceux qui passent sur le chemin des chenaux sur le bord de la rivière, ils voient la grosse tour de glace de Maïkan. C'est là-dessus qu'on va faire ça. Il y a encore des places. C'est une trentaine de dollars, entre 30 et 40 dollars par personne. On est en train de négocier le prix encore. Et puis, c'est un 3 heures d'escalade de glace, initiation, quand équipement même. Compris. Oh, wow! Cool. Mm-hmm. Et on retrouve la page Facebook sur Facebook. Il faut écrire UQTAIR. Donc, UQT'AIR, la page Facebook, le site internet n'est plus en fonction. On a fini par le fermer parce que ça ne marchait plus. On a acheté l'éponge. C'est mort. De toute façon, c'est tellement 2010. Hein, ouais, c'est ça. Tu vois sur internet. On est tellement 2015. Ouais, donc, Charles-Antoine Rioux dans deux semaines pour une autre chronique du Club plein air UQTR. Absolument, merci à vous. Bonne journée. On va se quitter en musique pour cette chronique-là avec une nouvelle pièce de Spoon River sur le palmarès anglophone. Je l'ai choisie parce qu'elle porte un nom de pied un peu comme les bas de laine de Merino. Voici Slippery Footed Man, 89 FM, Spoon River. Spoon River et Slippery Footed Man sur leur album The New Sun Hotel. Il y a vraiment A avec 4 H. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Ah. dîner de con, un certain midi cette semaine. Sexe, comment devenir un meilleur amant à grands coups d'études scientifiques? Les récentes études scientifiques ont montré que les femmes n'étaient peut-être pas si sages que ce que les hommes imaginent, ou en tout cas ce qu'elles nous font croire. Il existe en effet quelques astuces à connaître pour mieux comprendre leur libido et ou la susciter. Donc, pour stimuler l'excitation du poison... pour stimuler l'excitation du poisson et des flocons d'avoine. Le chocolat ou la banane sont-ils vraiment aphrodisiaques? Une récente étude montre que l'efficacité d'un certain nombre d'aliments peut stimuler l'excitation d'une femme. Comme par exemple les flocons d'avoine. Cette céréale est réputée pour dilater les vaisseaux sanguins et pour permettre à l'afflux de sang, notamment dans les parties génitales. Surtout, il libère de l'arginine qui stimule l'appétit sexuel. De son côté, le chocolat n'usurpe pas sa réputation d'excitant. Une étude italienne de 2006 a montré que les femmes qui mangeaient régulièrement du chocolat avaient plus souvent envie de faire l'amour. Un résultat assez similaire est observé par une autre étude datée de 2007 concernant le régime méditerranéen. Donc, plus de fruits et de noix, d'huile d'olive et de poisson permettent aussi de stimuler la libido féminine. Quant à la banane, rien ne prouve son efficacité dans ce domaine. Sinon, les femmes fondent devant un homme en rouge. Eh bien oui, pour exciter une femme, mieux vaut opter pour le rouge. Une étude de l'Université de Rochester, datée de 2010, montre que des vêtements de cette couleur créent une forte attirance sexuelle chez la femme. Lorsque les femmes voient du rouge, cela déclenche chez elles quelque chose de profond, probablement enraciné biologiquement, explique le chercheur Andrew Elliott, qui a mené l'étude publiée dans un journal, Journal of Experimental Psychology. Le rouge donne à l'homme une apparence plus puissante, séduisante et désirable sexuellement. C'est ce que souligne le chercheur. Les femmes préfèrent un homme bien bâti à un homme bien monté. Hein? Ce n'est pas la taille qui compte. Enfin, un peu quand même, l'Université australienne d'Acton a mené une étude sur l'impact de la taille du pénis dans l'appréciation physique globale d'un homme. Et pour les femmes, les chercheurs ont ainsi créé 343 modèles d'hommes en faisant varier leur taille, leur corpulence et évidemment la dimension de leur sexe au repos, faut-il le préciser. Les femmes testées devaient noter de 1 à 7 les différentes images et le résultat, les notes données augmentent autant que la taille du pénis jusqu'au point fatidique de 7,6 cm. À partir de là, les femmes délaissent la taille pour d'autres critères sur le physique de l'homme, comme la largeur de sa poitrine et ou sa taille en général. Ainsi, un homme moyen de 1,70 m aura intérêt à avoir un grand sexe s'il veut attirer autant qu'un homme plus grand que lui à 1,85 m. Ah! Donc, il y a mieux la corpulence que la grosseur du sexe. Mais tout dépend là, encore là. Pas si on s'en va dans les micro-pénis quand même, là, mais quand même. On a certaines femmes qui imaginent être forcées à faire l'amour. Ça, hein? Et ben oui, on apprend ça. La fidélité reste une valeur sûre pour la plupart des femmes, mais selon une étude Sophres de 2008 pour FHM, 60% d'entre elles n'ont jamais trompé leur compagnon au cours de leur vie, ce qui ne les empêche pas de fantasmer sur le parfait inconnu rencontré dans la rue. C'est le fantasme qui revient le plus souvent, selon une étude Ipsos pour Le Parisien, datée de 2008, plus déroutant, elles sont nombreuses à s'imaginer forcées à faire l'amour, mais cela n'a rien à voir avec un vrai viol, explique le docteur Mimoun, qui a conduit l'étude. Ce sont elles qui mettent en scène tout ça. Mais quand même assez étrange comme façon, hein? On n'imagine pas ça, hein? On imagine la femme toujours sensuelle et il faut prendre le temps à faire les préliminaires. Non, dans cette étude-là, en tout cas, elle veut se faire forcer et puis par un inconnu en plus. Méchante coquine. Une activité anodine peut les faire grimper au plafond. Croire que les femmes sont dépendantes des hommes pour jouir est un préjugé largement répandu et contredit depuis longtemps. Une étude de 2012 réalisée à l'Université de l'Indiana aux États-Unis a montré qu'une excellente méthode pour les femmes d'obtenir un orgasme était de faire des abdos. Une autre équipe a travaillé sur le cas intriguant d'une femme capable de jouir simplement en se caressant les sourcils. Plus étonnant encore, une Taïwanaise a la faculté d'avoir un orgasme quand elle se brosse les dents. La pauvre femme, croyant à un démon, utilise désormais exclusivement des bains de bouche. Ah bon? OK. Les rêves sont aussi excitants pour les femmes que pour les hommes. Les hommes ont en moyenne 7 érections par jour, mais la plupart, eh bien, elles ont lieu la nuit pendant le sommeil paradoxal, lorsque les rêves permettent de combler les frustrations. Mais les femmes sont tout aussi concernées par le phénomène. Évidemment, le clitoris étant bien plus petit, une érection n'est pas vraiment visible. Mais en observant l'afflux sanguin dans cet organe pendant la nuit, les chercheurs ont réalisé que le phénomène chez l'homme était similaire chez la femme. Mieux, elles sont tout à fait capables d'avoir des orgasmes nocturnes, comme le souligne le professeur Pierre Langy. Des rêveries érotiques nocturnes peuvent entraîner une excitation sexuelle suffisante pour obtenir un orgasme nocturne. Mais ce n'est pas aussi normé ni aussi systématique que chez l'homme, renchérit Marie Véluire, qui est sexologue. Et finalement, septième petit truc ou petite astuce ou chose à savoir, eh bien, en fait, les femmes sont excitées à peu près avec tout. Les hommes sont obsédés, c'est bien connu. Mais qu'en est-il des femmes? Eh bien, selon une étude Ipsos datée de 2014 et réalisée sur 1003 femmes, 47% d'entre elles voudraient avoir des rapports plus fréquents, alors qu'elles ne sont que 6% à réclamer une baisse de cadence. Eh bien, ça me surprend. Et l'excitation peut venir des choses insoupçonnées. Le psychologue Meredith Chiver a ainsi réalisé une expérience peu commune en enregistrant l'afflux sanguin dans le vagin des femmes face à des images sexuelles. Un couple hétérosexuel, un couple homosexuel et un accouplement de singes bonobos. Un sexe en érection et un homme nu. Si cette dernière image les laisse de marbre, les images hétéro et homo fonctionnent bien et même celles des singes ne laissent pas complètement indifférentes les femmes. Mais c'est le sexe en érection qui fonctionne le mieux. Ah ben tiens, parfait, c'est génial. C'est intéressant. Comment devenir un meilleur amant à grands coups d'études scientifiques. Et restons dans le domaine du coquin. Eh bien, c'est un homme ivre qui viole un bonhomme de neige et se gèle le sexe. On est surpris, hein? Donc, l'alcool peut décidément avoir de drôles effets sur les gens. Eh bien, Ken G, ou Kenny G, on pourrait dire, hein, en sait quelque chose passablement aviné, donc bien sous. Cet Anglais de 64 ans s'est pris de passion pour un bonhomme de neige qui se trouvait dans un parc. Incapable de contrôler ses ardeurs et ses envies, il a longuement étreint l'objet de son désir. Mal lui a pris car l'homme a terminé à l'hôpital de Blackburn avec des engelures au sexe. Des blessures qui ne sont pas anodines puisque selon un membre de l'hôpital, les engelures peuvent provoquer une infection, la gangrène et même voire l'amputation du dit membre. Ken G n'est pas inconnu des services hospitaliers de la région. De temps en temps, il se coince dans quelque chose ou se retrouve avec un objet à l'intérieur de lui. Mais la dernière fois, c'était encore plus étrange, raconte un membre du personnel des urgences au Sunday Sport. Donc, il aime ça, s'introduire des affaires, puis lui s'introduire dans des affaires. Hein? Les riverains ne sont pas vraiment contents du petit plaisir que s'est offert le sexagénaire. Ça le dit, hein? Lui, il porte bien sa sexagénérité. Des traces de son passage, cadavres de bouteilles, traces de sperme, etc. est encore bien visible. Plusieurs personnes ont juré que le démembrer après ce qu'il a fait, a indiqué un responsable de la sécurité du parc. Ben là, quand même, peut-être pas tant que ça. Peut-être l'aider à se soigner, peut-être, je sais pas. Hein? Ben oui. Sinon, ici, on a retrouvé la bizarre boîte du pharmacien du pirate de Barbe Noire. Donc, non, les pirates du 18e siècle n'étaient pas tous des barbares assoiffés de sang, à l'image du célèbre Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire. Il pouvait se montrer fin stratège, faire preuve de ruse et d'intelligence plutôt que d'employer la force brute. Comme tous les êtres humains, il leur fallait aussi se faire soigner. Ce n'est pas une découverte, mais ce qu'on a trouvé... Mais ce qu'a trouvé l'équipe d'archéologues qui a participé à l'excavation du Queen's Anne Revenge, le plus connu des bateaux de la flotte de Barbe Noire, l'est davantage. Échoué en 1718, le bateau, ou du moins son épave, a été retrouvé en 1996. Un mortier et un pilon utilisés pour broyer des ingrédients pour confectionner des médicaments aussi. Comme le rapportent nos confrères du Huffington Post américain, plusieurs parties du Queen's Anne Revenge ont depuis été remontées. À l'image de son encre en 2011, plus récemment, des archéologues ont découvert plusieurs ustensiles utilisés par le chef pirate et ses hommes à des fins médicales. Parmi ces objets, eh bien, on a retrouvé une seringue urétale qui a sans sans doute servi à soigner la syphilis, deux pompes médicales ainsi qu'un récipient qui a pu être utilisé pour effectuer des saignées, précise Live Science. Des objets qui montrent que Barbe Noire se souciait d'avoir un équipage en bonne santé et donc efficace. C'est ce qu'explique Linda Carnes McNaughton, archéologue qui a contribué à cette découverte. Eh bien oui, on a retrouvé aussi des récipients pour doser les médicaments. Vraiment très, très intéressant tout ça. Et tiens, ben oui, c'est la Dame Nature, hein, on parle d'elle. C'est en vidéo, c'est à voir, pas de panique, la vidéo est impressionnante, mais ce qu'on y découvre est complètement naturel, assure les autorités. Posté sur YouTube le 28 janvier dernier, le clip que vous pouvez voir eh bien, sur la page Facebook du Dîner de con montre des réverbères installés sur le bord de l'autoroute britannique, la M62, en train de tanguer, moi je dirais de danser dangereusement face à la force du vent. D'après la Highway Agency, branche du ministère des Transports, la solidité ou l'installation du matériel n'est pas à remettre en cause, car l'auteur de la vidéo a en effet filmé un phénomène naturel très rare, le « vortex shedding ». Interrogé par le Daily Mail, l'agence a expliqué que cela ne se produisait que lorsque le vent atteignait une vitesse très précise, correspondant à la fréquence de résonance des lampadaires, qui se mettaient alors à osciller. Ben oui, ça c'est normal. C'est pareil comme un pont. Si on mettrait une fréquence bien précise d'un pont, si on mettait la fréquence donc comme contraire de la fréquence du pont, eh bien on préfère tomber le pont, c'est un peu la même chose. A priori, pas de quoi se faire les cheveux blancs au volant. Donc, un peu de musique pour voir ces réverbères danser en rythme et vous obtenez même un spectacle assez inédit. Si on nous dit que c'est pas dangereux, ben c'est correct, hein? Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Quelqu'un me fait bail, je lui fais bail en retour. Même moi, je suis sympathique. T'aurais dit flasher des boules. Ah ben, Colin, moi, je suis... Ouais. On parlera pas trop de mes boules, là. On est à la radio quand même, là. Une radio publique, hein? Maintenant, tu sais, on va... Tu sais, des fois, tu cherches un lien de boule? Ouais, chercher un lien de boule. À la huître, des fois, on demande aux gens de lever la main ou le poing. Ça fait comme une boule. Quelqu'un qui montre les boules, là, ça donnerait le point à quelle équipe, ça? Aux arbitres. Aux arbitres, comme dans Bit? C'est dans les coulisses de la huître. Ah non, c'est pas ça. Arrête. Urgence, on arrête c'est les false. Machines. On arrête les machines, c'est pas ça. C'est ça ici, oui. C'est dans les coulisses de la huître avec Gabriel Béhoud. Bonjour à toi. Bonjour à vous deux. Allô. Hello. Ça va très bien. Mathieu, es-tu déconcentré à cause qu'on a parlé de boules? Je pense que c'est probablement. Ça. Probablement. Mais tu sais, aussitôt que tu me parles de boules, mon imagination est tellement fertile. Tu perds la tienne. Je perds la boule. Ah, c'est bon ça. C'est bon comme mien, ça. C'est meilleur que le mien, tantôt. Donc, Gabriel Béhoud de la huître, bien sûr. Oui. Avant toute chose, on va commencer en parlant du match d'hier. Et le match d'hier, ça nous amène toujours à la petite chronique qui ouvre le tout, là. Voici lundi soir, d'avant-hier en passant le match. Ben oui. Lundi soir, le matin. Allez! Vous écoutez lundi soir, le matin. La chronique sur l'impro universitaire. Mon nom est Gabriel Béhoud. Je suis le reporter pour la huître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Et je suis au 10-12 ce soir, lundi. Je suis là à cause du match qui oppose les Rouges aux Bleus dans la saison régulière de la Luître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Alors, faites place au face-à-face. Face-à-face. Je suis présent ce soir avec Marc-André Flamand Marion. Marc-André, est-ce que c'est bel et bien ton vrai nom, Flamand Marion? Ben oui, c'est parce que dans le fond, je suis un croisement entre un flamand rose puis quelqu'un qui s'est marié avec un. Fait qu'ils ont décidé de me donner ce nom-là. C'est pour ça que t'as de très belles plumes. Et puis, Marc-André, comment tu t'es préparé ce soir pour le match? Ce soir, je me suis fait cuire une petite limonade, puis j'ai lu sur mon ordinateur, puis c'est comme ça que je me suis préparé. Pas bien compliqué. Ben, je te souhaite un très fort match et une bonne soirée. Ben, merci à toi aussi. Face à face. Je suis avec l'équipe des Rouges en entier. Les Rouges, comment vous préparez-vous pour un match comme ce soir? Pour nous, je pense que c'est vraiment important de se rencontrer. Parce qu'on est vraiment une équipe qui on se connaît. Puis on est en fait, avant tout, des amis. Fait qu'on prend le temps de se rencontrer. Par exemple, on y va avec des jeux. Je vais demander à Frédéric son avis sur le Super Bowl. Ben c'est sûr qu'on est toujours. C'est un peu dans le même feeling que quand on se retrouve. Merci, Fred. Je vais demander à Philippe son avenue du match. Ben moi je pense que les Bleus sont une équipe qui sont quand même dangereux. C'est pareil. Je vous remercie des Rouges et je vous souhaite un très fort match. Merci. Ouais. Je suis complètement frébrile et avec la joueuse de l'équipe des Bleus qui a eu l'étoile de l'arbitre. Maude Paquette. Maude, comment est-ce qu'on se sent avec l'étoile de l'arbitre? Mais d'abord, salut Ron! Salut! Je suis vraiment contente d'avoir eu l'étoile de l'arbitre parce que, faut se l'avouer, là, Maxime Tanguy, il est chaud. Oui, il donne pas son étoile à des garçons souvent, là. Souvent, c'est des filles. Comment tu te sens par rapport à cette loi de sexisme, Maude? Ben c'est correct. Je pense que j'ai fait des beaux yeux, puis j'ai flatté la main un peu, puis comme ça, il a décidé de me la donner. Certains pourraient parler de collusion, mais moi, je parle d'animosité et d'amitié. C'est tellement beau ce que tu dis, Ron. Je verse une larme en ce moment. Sniff, sniff. Merci, Maud, et bonne continuation dans ta saison. Merci, Ron. Merci. Vanessa, un mot à dire? Un mot? Parce qu'il m'arrive, on dirait que le monde est en train de changer. Je me suis peut-être fait des idées. Ah, hey, c'est épuisant. Je me sens comme Maud Parquet. Essoufflé. Non, fais ça pas ça, Mathieu. Non, je vais pas faire ça, excuse-moi. Non, ça y fait mieux, elle. Des fois, ouais, c'est ça, en effet. Hein, Bref, Ron, Gabriel Béhoud. Oui. Qu'on a retrouvé, évidemment, c'était ton antonyme, ton homonyme et ton alternanime. Oui. Gabriel Boutant-Tréhoud sur le terrain de la Luître, lundi soir. Habituellement, je dirais hier soir, mais là, c'était lundi, donc avant-hier. Oui, oui, oui. Pour ceux qui n'étaient pas là, rappelons le fait que c'était un match entre les Rouges et les Bleus. Bleus. Oui, oui, oui. Voilà. Très mauve, ça. Ça fait mauve. C'était un match très mauve. Oui, Maxime Tanguay était l'arbitre. Manquait d'air. T'es mauve. Tout à fait. J'ai collé avec Nadia Tranchemontagne. Ouais. Il n'y a pas de mot avec pas de mot. Non, je sais. Pas, pas de mot. Tranchemontagne. Tranchemontagne. Bravo. Ah, c'est bon, ça. A fini par monter jusqu'à notre niveau, nous autres. Tranchemontagne, c'est prêt. C'est... Même que tu nous surpasses, je pensais que celui-là, c'est fou, raide. Voyons, t'as-tu quoi de me demander? Non, mais je trouve ça drôle, mais tranche mauve tang. C'est excellent, excellent. Le prochain match, c'est lundi prochain, ça va être les rouges contre les oranges. Donc encore une fois, les rouges, donc les mêmes gens que vous avez entendu parler en chœur, en chorale. Ouais, ouais, ouais. Vont rejouer. Exactement. Les rouges contre les oranges qui, eux, n'ont pas joué depuis le mois, depuis la semaine passée. Ouais, non, ils ont joué... ça fait là, au moins le mois passé. Genre 9 jours. 9 jours! Mais c'est vrai que c'était le mois passé, c'est quand même longtemps. Ouais, c'est très vrai. C'est même trop vrai. Ah, avant ça, il n'avait pas joué depuis le début du mois de décembre. C'est ça qui m'a un petit peu défait. Mais bon. Donc, c'est ça, c'est les lundis soirs à 20h, chasse-galerie gratuit. Oui, comme oui, toujours. Pas grand-chose à dire de plus. On est en saison régulière. C'est le dernier match qu'on va avoir la semaine prochaine avant tout ce qu'il y a de spécial pendant un bout de temps. Une série de matchs spéciales incroyables à vous présenter. Là, ça va être débile. Oui, ça devrait être assez plaisant. Ça va être insupportable presque. Il va y avoir la Coupe Trois-Rivières puis un match spécial pendant la semaine de relâche. Mais ça, on en reparlera en temps et lieu. Concentrez-vous sur le match de lundi soir à 20h. Oui. Ça. Sinon, parle de ça, Super Bowl, toi, puis tout ça. Moi, là, Mathieu, le Super Bowl, c'est quoi mon rituel de ça? C'est quoi ton rituel? Ben. Attends un peu, là. Je commence. Tu à radio? Chuchote-le-moi à l'oreille, je t'écoute de. Je t'avoue que je commence le Super Bowl le matin, là. Ouais. Je mange à peu près 25 ballons. Des ballons? Oui. Des soufflés? Hein? D'essouffler tes ballons? Ben oui. Ben oui, pour qu'ils soufflent à l'intérieur. Plus facile à digérer. OK. Ensuite, ouais. Je vais à sel. C'est une blague. J'écoute pas Super Bowl tellement. J'ai écouté le quatrième quart et j'ai été tellement déçu par les Seahawks. Là. Hey, ils ont fait un jeu. Ils auraient pu courir la balloune. Mais non, décidé de la garocher. Mais non, mais c'est ça, tu fais pas une passe quand t'étais à quoi? Une verge. Trois verges. Wow. Non. C'était pas fort. Non. Vos histoires de verges à la radio, là, sérieux. T'as bien montré tes boules tantôt? Ouais. Ah non, mais c'était dans mon fantasme, ça, tu l'as pas fait. Dans ton fantasme. T'as des fantasmes de couleurs bizarres. C'est là que les yeux sortent de la tête comme dans Scooby-Doo. Là. La gueule à terre. C'est ça. Puis après, on s'en va manger un sandwich. Sandwich? Il mange ça. Oui, c'est comme les aiguisoires à crayon de sandwich dans Scooby-Doo. Hey, les aiguisoires à crayon, parlons-en pas. Hein, comment ça défait les jointures, c'est toi-là? Qu'est-ce que c'est? Les aiguises crayon dans le temps, ça te défaisait les jointures, ça? Oui, les... Mais moi, j'ai jamais compris le principe de... Tu sais, il y avait des tâches au primaire, là, genre celui-là. Chacun avait sa petite job à faire, mettons. Ouais. Moi, il y a deux tâches que j'ai jamais compris. Non. Premièrement, la machine à laver les brosses. C'est quoi, cette hostie d'affaire-là? Moi, j'ai jamais vu ça. T'es frappé ensemble, les brosses, peut-être? Ouais, mais non, tu fais pas ça. C'est super terrible, les allergies, ça. Ah, OK. Mais les gens, moi, ils disent tout le temps, « Ah, la tâche la plus le fun au primaire, c'était d'aller... » À la fameuse machine qui nettoie les brosses. Dans quelle école sont allés? Ça existe, ça devait machine-là? Être l'école privée, certain. Ah, ben, ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas connu. Moi, je suis sûr qu'on niaise depuis genre 23 ans. T'avais-tu le droit d'avoir une barbe à l'école privée? À l'école privée? Ouais. Une grosse barbe de même. En sixième année? Ouais. Ben, c'est parce que moi, j'ai doublé. Je suis rentré ici parce que, tu sais, un coup qu'on dépasse 21 ans, on a le droit de faire ben ça ouais. 21 ans. Ouais. Une fuite à 21 ans, comment? Comment? Faire quoi? Tu peux rentrer à l'université avec l'expérience sans... L'expérience acquise. Ouais. Ben, c'est ça, je lui ai fait un résumé de toutes mes expériences. OK. Ouais. Quoi? T'as-tu menti sur la machine pour laver les brosses? T'as dit que t'avais fait ça, toi, comme expérience? J'ai-tu l'air d'un menteur? Mais bref, hey, c'est ça. Non, mais la machine à laver les effaces à tableau, ça me rappelle, tu sais, au golf, là, tu sais, la machine... Laver les testicules. Ouais, ah, excuse-moi. Ah, oh, c'est les balles qu'il faut mettre dedans! Ben oui. Les balles. Ça tombe au golf, toi? Ouais, c'est ça. Jouez-vous au golf? Non. Mini-pot. Mini-pot à Carl Carmoney, le meilleur de Twitter. Ouais, c'était Carl. Le guerrier qui n'abandonne pas. Carl Carmoney! Birdie! C'est trop bon, cette vidéo-là. Je pense que j'avais comme 4 ans, on était joué au mini-pot, puis j'ai fait un trou d'un coup. Tu sais, 4 ans, tu lâches Birdie! Maman, comme... Mais t'as pogné ça où? Ben, je t'instruite, là. Allô, j'ai 4 ans. Hello, mom. I listen to the TV. Thank you very much. Moi, j'aimais ça écouter. Mes parents n'ont jamais compris ça, puis moi non plus, j'y repense, puis c'est vraiment bizarre. Mais quand j'étais petit, là, j'écoutais mes bonhommes en anglais. Okay. Je comprenais pas l'anglais. J'écoutais The Price is Right à 2 ans, moi. Ah, c'est ça. Un des premiers mots que je comprenais, c'était, tu sais, a car. A new car. Je savais c'était quoi? A brand new car. Ben oui. Moi, j'ai jamais compris, sérieux, de 3 à genre 5, 6 ans, j'écoutais tous mes bonhommes en anglais, puis je comprenais absolument rien, puis je tripais là, j'écoutais comme mes bonhommes de 7 à 9 heures le matin. Ah. Mais, hey, mais tu sais, on s'entend que, mettons, tu regardes Roadrunner, mettons, tu sais, ça parle pas bien, mais il y a tout le temps un annonceur, une voix hors champ qui va te dire ce que Roadrunner écrit sur sa petite pancarte, tu sais. C'est tout le temps drôle d'avoir parce que sinon tu comprends rien au dessin animé, ben clairement. Non, c'est clair. Exact. T'es perdu ben raide. C'est assez là. Profond quand même. Oui, de morale. Ce qui était cool des programmes américains, hein, c'est que t'avais des annonces de jouets. Ah oui. Puis c'était tellement hot, les jouets avaient comme des petits murs en fausse brique là, qui défonçaient tout le temps. Mais je sais pas si ça vous sonne. C'est toutes des affaires que tu peux pas avoir. Non, on a. Si, ben non. C'est correct aussi. Mais c'est ça, mais les gens demandent de voir les pubs du Super Bowl, mettons, américaines, parce qu'en 2017, vous savez qu'on va avoir accès aux pubs américaines à la télé. Ouais, la CRTC, ils ont fait ça. Exactement, ils ont décidé ça. On en parlera à Mathieu Planchot tantôt, mais bref. Et puis, tu vas voir regarder des pubs de produits qui ne sont pas vendus au Canada. Ça va être vraiment utile de voir ça. Complètement ridicule. Des modèles que tu n'auras jamais ici, puis dans 3 ans peut-être. Mais imaginez si tout le temps qu'on passait à parler de Super Bowl puis faire des annonces de ça, si on le passait à développer des affaires utiles. Mettons comme. Ben. Non, c'est bien le Super Bowl. Ouais, c'est correct. Moi, ça me va. J'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Ah. Puis les ailes de poulet étaient cœur. Ah, les ailes de poulet, quel saveur? Hein? Quel saveur? Ben, je te l'ai expliqué. C'était un petit peu de miel, puis la sauce French Red Hot, là. French Red Hot? Frank's Red Hot. Pas French, là, c'est la moutarde. Mais ouais, tu me l'avais dit en ronde, je crois. T'es allé à ronde? Non, non, je peux pas, je suis mormone. Sa religion mormone l'empêche de boire l'alcool, de faire des manèges. L'escalade. Ouais. De le taplane. Ouais. Garder son repas à l'intérieur. Manger du poisson cru. Ouais, poisson cru. Tâter des singes. Les mormons ont pas le droit. Je pense que je peux pas, non. Non? Mais je sais pas. Pas le droit. Pauvre. Bon, mais parle de ça, fait que c'est pas mal ça. Ça, ouais. Fait que 8, mettons, c'est lundi prochain. Ouais, lundi prochain, rouge contre orange, ça devrait être excellent. 20h à Chasse-Galerie. Rouge contre orange, ça fait brun, je pense. Ça? Hein? Rouge puis orange? Non, ça fait comme jaune-orange. Un jaune. Ah, ça fait orange. Je pense que ça vient d'être là, ça vient de jaune-orange. Merci, Gabriel Béhoud. Ben, ça me fait plaisir, monsieur. Dans ta case régulière des mardis. Oui, le mardi, 8h. 8h. Le matin. Ah, son âge requis, le matin. Le matin. Merci, Gabriel Béhoud. Salut, Mathieu Plante. Bonne semaine. Bye bye. Ah, voilà pour Dans les coulisses de la l'huître. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Minutes pour l'indépendance avec Maître Jeff Veilleux. Salut Jeff. Salut, bon mardi midi. Ça va bien? Oui, fait beau malgré les moins 45 degrés. Oui, mais la lumière est de retour. Ouais, ouais. Hein? On le sait, quand on finit de travailler, là, on n'est pas dans l'obscurité complète. On était à l'obscurité ailleurs, par exemple, mais ça, on en reparlera une autre fois. Puis on n'annonce pas un printemps précoce non plus, mais ça va être chaud. Ben, ils se chicanent. Ça va être chaud. Ils se chicanent, les marmottes se chicanent. Là. Ah oui? Il y en a qui disent que ça va être un printemps précoce, puis d'autres disent que ça va durer encore. De toute façon, on va être dans la rue d'une façon ou d'une autre. Donc, ben moi, je sens que l'hiver va quand même toffer jusqu'à à la fin du mois de mars, comme d'habitude. Ouais, ouais. C'est vrai, on est tout le temps hâte que, mais c'est normal, mais ça finit jamais ben de bonheur. Ouais, ouais. Et sinon, mon ami? Tout d'abord, nouvelle internationale. Oui. Ben là, l'État islamique avait déjà menacé le Canada. Oui. Après les attentats de Charlie Hebdo, là, qu'on n'était pas en dehors du coup parce qu'on est présent en Irak, autant dans les airs que sur Terre. Et puis, deuxième dossier important, c'est monsieur qui se fait fouetter là, en Arabie Saoudite là, pour avoir fait un Badawi, blog. Monsieur Badawi. Oui, Raif, oui. Je suis Raif. Là, il y a une manifestation devant le Parlement d'Ottawa pour essayer de le sauver. Mais là, coup de théâtre, le ministre des Affaires étrangères, M. Bird, a démissionné aujourd'hui. En tout cas, c'est annoncé que ça allait être fait aujourd'hui. Et puis, donc, tout est à recommencer, finalement. Et puis, notre ami aussi, Philippe Couillard, qui a été médecin pour la famille royale, pourrait avoir du poids dans ce dossier-là. Il y aurait des plugs, comme on dit. Oui, mais je pense qu'il ne comprend pas trop l'intégrisme, là, complètement. Je pense qu'il s'en fout complètement, plutôt. Je pense qu'il comprend très, très bien, tu sais. Ouais. Il a l'air cave, mais je pense pas qu'il l'est complètement. C'est comme une balance entre l'incompétence puis le manque de volonté. Ouais, tout à fait. Il oscille entre les deux, là. Il faut qu'il fasse plaisir à ses amis. Hein? Ouais. C'est de même aussi. Mais tout ça pour dire que si le Québec est un pays, on pourrait plus facilement s'affirmer puis défendre ce dossier-là. Tout à fait. Mais une bonne nouvelle, par exemple, il vient peut-être d'être mis sur une liste pour être prochain Nobel de la paix. Ah oui, pas vrai? Raif Badawi. Oui. Donc, il pourrait avoir un appui plus à l'international et pas juste avec le Canada. Okay. Parce que s'il est sur une liste pour être Nobel de la paix, ça pourrait impliquer plus de gens. Donc, parce que tu sais, si on attend après nous, Canadiens... non, c'est ça, ou après l'autorité d'Ottawa. En tout cas, c'est ça. Et sinon, je viens vous parler de Mario Beaulieu, chef du Bloc québécois, qui va être parmi nous dans deux jours, ce jeudi 5 février à 11h45 à la Trium. Je ne pourrais pas l'écouter. Oui, malheureusement, je vais être en plein show. Dans ton émission. Exact. Mais il vient nous faire une conférence là, sur le thème « Fort, libre et démocratique ». Et donc, je viens vous présenter aujourd'hui un portrait de ce cher Mario Beaulieu. Vas-y. Il est né à Sherbrooke en 1959. C'est un militant indépendantiste, un homme politique québécois. Il est chef depuis le 14 juin 2014, puis a été notamment président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal de 2008 à 2014, puis il est toujours président du mouvement Québec-Français depuis 2011. Puis ça, c'est un mouvement qu'il a cofondé. Et puis, le mouvement Québec-Français est vraiment présent là, dans plusieurs régions. Capitale-Nationale, Bas-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Champlain, Pierre de Sorel, puis Mauricie aussi. C'est-tu la même gang, Impératif Français, non? C'est d'autres choses, ça? Je pense que c'est dans la même... Okay. Le même... Parce que ça, je reçois la newsletter. OK. Puis, contravention. Ça. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai dit de même, j'ai fait exprès. Ouais. Et puis, je me demandais si c'était eux. OK. Ben oui, c'est sûr que ça doit être des amis de la défense de la langue française. Là. Exactement. Ça fait longtemps, depuis les années 60, qu'on se bat. Et puis, depuis que la loi 101, même si elle a été adoptée en 77, a été charcutée une centaine de fois par la Cour suprême du Canada, il faut toujours encore se défendre. Surtout quand on entend du monde comme Maxime Bernier qui dit « Oh, la loi 101, on n'a pas besoin de ça. » Ah, c'est quelle planète qu'il vit. Et donc, Mario Beaulieu, il est né en Estrie. Et à l'âge de 4 ans, avec sa famille, il déménage à Sainte-Anne-de-Bellevue, sur l'île de Montréal. Et donc, vu que c'est une ville bilingue, il va apprendre très tôt à s'exprimer autant en français qu'en anglais. À l'université, il va étudier la psychologie. Il n'est pas alors intéressé par l'action politique. Il va même préférer s'abstenir de voter lors du référendum sur l'indépendance en 1980. Et c'est uniquement à la suite de l'échec de l'accord du Lac-Meech en 1990 que Mario Beaulieu commence à s'impliquer pour l'indépendance du Québec. Cet accord devait permettre des modifications à la Constitution du Canada pour assurer le poids du Québec au sein du pays et lui assurer une représentation, une reconnaissance de la nation. Il décide alors de se joindre au Parti québécois. Et donc, il va faire ses marques au sein de la Société Saint-Jean-Baptiste, participe à la fondation du SPQ Libre, il siège au Conseil de la souveraineté du Québec pendant 5 ans. Il va être, le 29 avril 2014, il annonce qu'il sera candidat dans l'élection à la direction du Bloc parce qu'il y avait juste André Bellavance, donc on voulait éviter un couronnement. Et donc, ça a été le deuxième candidat. Et c'est lui qui a gagné finalement avec 55%, je crois, des voix. Et M. Bellavance qui a mal pris ça et qui a quitté, Jean-François Fortin a quitté aussi, qui est allé fonder son propre parti, Force et démocratie. Là, il veut défendre les régions, mais... Les régions au Canada, ils ne veulent pas en entendre parler. Oui, c'est ça. Ici, les régions, ça va, mais... Puis, il avait reçu beaucoup d'appui pendant sa course, dont l'ancien député Pierre Curzi, Claude Bellan, ex-président du Mouvement Desjardins, le chef d'Option nationale Sol Zanetti, la comédienne Lucie Laurier, les anciens ministres Mathias Rioux, Rémi Trudel, Richard Lahire et même Bernard Landry, ex-premier ministre, qui avait donné son appui à Mario Beaulieu pendant sa campagne. Et donc, je vous ai amené une couple de citations pour essayer de le comprendre et de savoir... Mais là, il est tout seul pas mal là, en ce moment. C'est ça? Ben, il est en train de reformer son équipe. Non, je sais ça, je sais. Mais là, en ce moment, il est pas mal tout seul. Ben là, il n'est pas élu, en plus. Fait que là, je crois qu'il reste un ou deux députés du Bloc à Ottawa. Okay. C'est ce que je me demandais. Oui, dont Luc Plamondon, les autres sont devenus indépendants? Oui, exactement, okay. Exactement. Okay. Où ils vont se joindre à Jean-François Fortin dans son fameux parti, là. OK. À suivre. On va diviser encore. Donc, on retourne en juin 2008, oui. Donc l'année du 400e de Québec, il avait prononcé. Il y a une multitude d'exemples où l'on voit que le gouvernement bafoue sa propre politique linguistique. Donc, ce que l'on demande, c'est que le gouvernement fasse son travail, qu'il applique la loi 101, qu'il la renforce, parce que depuis 30 ans, la loi 101 a connu plus de 200 modifications qui l'ont affaiblie. Je disais 100 tantôt, mais lui dit 200, qui ont anglicisé constamment davantage les services publics québécois. Le combat de la langue française est primordial. Tout à fait. On ne veut pas faire un pays pour parler anglais. Là, non, non, c'est ça. Sinon, ben, on va rentrer dans le Canada. Là. Non, mais pour vrai, sans, sans la culture, la langue française, je veux dire, ben, on est Canadien, on est Américain. Ouais. Si le Canada défendrait vraiment la langue française, je défendrais peut-être ben ce oui, pays-là. Ben oui, c'est ça. C'est... Pour vrai, s'il y avait une vraie place pour nous, là, ouais. C'est clair. 2009, à propos de l'autre Saint-Jean. Le fait que ça a été présenté aussi comme une fête bilingue, on s'imagine les gens de Rosemont qui vont à leur fête de quartier, qui se seraient retrouvés devant une heure de spectacle en anglais. On privilégie que ça soit en français. Je vois pas pourquoi faire un spectacle bilingue. Parce que c'est vrai, la Journée nationale des Québécois, le 24 juin, c'est la seule journée où, que, me semble, on pourrait parler français toute la journée. Là. Mm-hmm. L'anglais, on l'entend tous les jours à radio, à télévision. Partout. Partout, chaque jour. Fait que s'il y a au moins une journée dans l'année où qu'on parle... On parlerait à 100% français, ça serait bien la fête nationale. Puis, je veux dire, on en a des bons artistes en masse pour faire une programmation qui va durer une fête une semaine, s'il faut, là. Non, mais pour vrai. Ouais, ouais. Avril 2010, on pensait que tout le monde avait des droits égaux. Maintenant, on voit que l'on peut s'acheter le droit de contourner la loi 101 au moment où les francophones sont minoritaires à Montréal, où le français est en déclin dans l'ensemble du Québec. Mm-hmm. Il met le doigt sur le bobo, là. Total. Le français est la langue commune au Québec. Il faut que ça se sache, que ça se voit, que ça s'entende et même que ça se sente. Novembre 2011. Février 2013. Le Québec bashing et la francophobie sont devenus une tendance très forte du côté des médias du Canada anglais. Et ça, il y en a une tonne. Là. Il y a même un livre de Patrick Bourgeois là-dessus, là, sur le Québec bashing. C'est fou. Mais moi, je trouve encore pire, Jeff, les gens, genre, je veux pas dire, mais les gens à Montréal qui sont Québécois et qui se bâchent eux-mêmes, là, tu sais, qui vont souvent dire, ben, on n'a pas besoin, puis qu'ils se sentent tellement des citoyens du monde, là, qu'ils ont comme perdu un peu la réalité. Puis là, ils vont dire, ah, mais vous autres, vous savez même pas de quoi on parle en région. Puis moi, je trouve que des fois, c'est encore pire, parce que se faire bâcher par nos ennemis, mettons, tu t'en fous. Je dis, c'est normal. Mais quand tu te fais bâcher à l'intérieur de ton propre pays, par ton propre monde, que t'es supposé te défendre, mais que eux non, il n'y en a pas de problème. Et tu as juste à parler en anglais, puis nos amis sur Facebook qui mettent tout le temps des cotes en anglais, puis qui... Moi, ça, je trouve que c'est encore pire. C'est encore plus du Québec bashing. C'est vrai. Quand c'est toi-même, tu te cales, tu t'auto-mutiles, finalement. Ouais, en tout cas. Comme les candidats de la voix qui sont pas capables de trouver une chanson en français à chanter, là. Tu sais, chanter de quoi de bon, il y en a plein. Il y en a tellement de bonne musique francophone. Sinon, écrivez-nous, on va vous faire des suggestions. Là. Ouais, c'est ça, on va te donner des idées. En ce moment, le gouvernement du Québec est un des principaux facteurs d'anglicisation des allophones à Montréal. Je pense que c'est 60 % qui vont à l'anglais. L'objectif de la loi 101, c'était ça, de faire du français la seule langue officielle. Les médias anglophones essaient de nous faire passer pour des xénophobes qui profitent de n'importe quelle petite erreur. Ils commentaient le Pastagate. Avril 2014. Nous sommes malheureusement habitués à la diabolisation du projet souverainiste ou des mesures linguistiques qui sont présentées comme une oppression des anglophones, sinon comme de la xénophobie, avec le lot coutumier d'allusions au nazisme. Mais dans le cas de la laïcité, les injures et les accusations ont atteint une rare et inquiétante intensité. Juin 2014. De profiter de chaque intervention pour expliquer pourquoi on veut faire un pays du Québec. Je vois pas ce qu'il y a de radical là-dedans. Si d'être souverainiste, c'est radical, à ce moment-là, être fédéraliste l'est tout autant. Ben oui. Ça, ça veut dire que dès que tu tiens à une idée, t'es, t'es un radical. Mm-hmm. Dès que t'as une idée et que tu veux y arriver. En tout cas. Ça, il a dit ça au lendemain de son élection, dans le fond, là, comme chef. Et lors de son discours de victoire, il a dit ceci. « Nous attendons ce moment depuis 20 ans. Le temps de l'attente et du défaitisme est terminé. Le temps de rêver à la liberté et de croire en l'avenir est revenu. Il est enfin temps de passer à l'action. » Nous lançons maintenant une campagne permanente pour l'indépendance du Québec. Nos adversaires ont souvent annoncé la mort du mouvement souverainiste, même Trudeau en 75. Mais j'ai une surprise pour eux. Notre résilience et notre retour en force, plus énergique que jamais. Yes. En fait, le Bloc québécois monte dans les sondages ces temps-ci. Ils sont même premiers dans les intentions de vote chez les francophones. OK. Donc, c'est à suivre. Chic Mario, il vise 15 députés. OK. Moi, j'en vise 25 à 30. Puis rappelons que le Bloc québécois a déjà un record de 54 députés à Ottawa. Puis l'autre jour, tu me disais aussi qu'il est en train de placer des gens partout. Là. Oui, il oui, en tout avoir à fait. Assez oui. Partout, là, parce que là, ils en ont besoin. Là. Oui, oui. Puis... Il y a quelques scandales au NPD aussi qui sont en train d'éclater, là, comme la petite madame là, dans le coin de Sorel, dans le coin de Verchères, qui reste chez elle. Okay. 90 % du temps, elle est payée 180 000 par année et c'est elle qui a un taux d'absence à la Chambre de communes le plus intense. C'est une petite madame ethnique, là, je ne veux pas accuser les ethnies, mais en tout cas, elle ne fait pas son travail. Puis elle va avoir une retraite aussi pour la vie, là, après. Si elle est élue, je pense, deux mandats de suite. Je pensais que c'était un 4 ans. En tout cas, au Québec, c'est deux mandats de suite pour avoir une retraite assurée. OK. En tout cas, je pensais que c'était un mandat de 4 ans. Mais elle, je pense pas qu'on va la revoir. c'est déprimant, là. Mm-hmm. Puis on parlera pas de celle qui a été élue dans Masquinongé. Ruth-Hélène Brosseau. Oui, qui était en vacances à Las Vegas et que c'était une candidate poteau, là. Ils ont voté pour des pancartes, là. Oui, mais semble-t-il qu'elle fait sa job en ce moment. Ah oui? Ouais. Ben, pour vrai, il paraît qu'elle est là, puis qu'elle... Moi, je sais pas, c'est pas... C'est mon comté, parce que je reste à Trois-Rivières-Ouest, dans le fond. Ouais. Pointe-du-Lac, plutôt. Puis, mais je connais des gens qui ont eu affaire à elle, puis il paraît qu'elle a fait ses classes, puis qu'elle est là, puis qu'elle répond, puis que les gens l'aiment bien, semble-t-il, dans le comté. C'est ce qui compte quand même. Sinon, elle va avoir un bon candidat ouais, pour le Bloc québécois. Ouais, ça va être Simon Murphy-Gauthier qui veut se présenter à l'investiture, qui est un artiste bien connu de l'UQTR, très engagé, aussi connu sous son nom d'artiste, Simonac. OK, je ne connais pas. Ouais, c'est le fils à Paul Gauthier. OK. Et très, très engagé, très amoureux du Québec, la parole facile. Je pense que... Donc, ça va être pour lui, je peux voter. Oui, oui, tout à fait, exactement. Et à Montréal aussi, il y a plusieurs candidats jeunes là, de ma génération qui ont au début de la trentaine et qui se présentent pour le Bloc québécois. Donc, on voit une relève vraiment là, du mouvement indépendantiste qui se met en place. Tant mieux. Oui, exactement, et c'est tant mieux. Du renouveau, un peu de sang neuf. Une autre citation qui a fait choquer Gilles Duceppe. Nous vaincrons, nous gagnerons. Il y a eu toutes sortes de slogans qui ont été criés. Moi, je n'ai pas fait de lien entre « Nous vaincrons » et le FLQ. Et Gilles Duceppe, là, il avait capoté. Oh, « On ne peut plus dire ça, nous vaincrons, on ne peut plus dire ça. » Ben, coudonc, si on ne peut plus rien dire, qu'on va gagner. De mots. « Nous vaincrons », on ne dit pas « Nous pendrons » ou « Nous tuerons », ce n'est pas ça. « Nous vaincrons », c'est juste de vouloir gagner. Et donc, M. Beaulieu sera candidat, il l'a annoncé la semaine dernière, à Montréal, dans le comté de la Pointe-de-l'Île, qui est une circonscription tombée aux mains des néo-démocrates aux dernières élections, comme la majorité, après avoir longtemps été représenté par la bloquiste Francine Lalonde, qui est décédée récemment. Et en entrevue à la presse canadienne, Mario Beaulieu a indiqué qu'il venait de déménager dans ce secteur. Donc, quand même bien implanté. Une bonne chose d'être proche de ton monde. Et selon un autre article, tous les candidats du Bloc seront des gens implantés dans leur milieu. Parmi ceux-ci, on retrouvera des artistes, des syndicalistes et des gens d'affaires. M. Beaulieu affirme qu'ils auront tous comme priorité de défendre les intérêts nationaux du Québec à Ottawa et de faire la promotion de la souveraineté. Le chef bloquiste estime que la popularité de son parti va augmenter au fil des investitures, ce qui permettra de donner plus de porte-parole au Bloc québécois. Donc, on attend de plus en plus des bonnes pointures qui vont se présenter. Et j'ai pas peur. D'ailleurs, il y a Denis Trudel qui s'est présenté, qui est le comédien Denis Trudel. Oui. Il joue dans plusieurs films là, de Pierre Falardeau. Ben, c'est Méo. C'est pas lui? Je sais pas. Me semble que c'est lui. Ou ben je mélange peut-être Yves Trudel puis Denis quelque chose. On va aller voir, mais me semble que c'était Méo, Denis Trudel. C'est pas ça? OK, ben d'abord, c'est un autre qui... En tout cas, je vais aller voir. Peut-être que je me trompe. Il était dans le film Octobre, ce comédien qui s'est présenté. OK, oui, chez qui? Oui, c'est ça, OK, Denis Trudel. Denis Trudel, exactement. Oui, c'est ça, c'est lui. Désolé. Mais comment il s'appelle, là? En tout cas, peu importe. Je pense que c'est Yves, quelque chose. OK. En tout cas. Ça me semble que c'est Trudel aussi. C'est peut-être... Puis il est employé des films de Falardeau. Oui, tout à fait. Donc, Denis Trudel, oui, qu'on, un visage qu'on connaît. Donc, Mario Beaulieu, finalement, si on peut résumer, c'est un militant indépendantiste extrêmement actif depuis une vingtaine d'années. Il a aussi œuvré inlassablement pour la promotion de la langue française, la culture québécoise et de l'enseignement de l'histoire. Donc, fondateur du mouvement Montréal français, ainsi que partenaire pour un Québec français, il a été président de la SSJB de Montréal avant de se lancer dans la course à la direction du Bloc québécois, qu'il a gagné. Mario propose d'axer fermement l'action du Bloc sur la promotion de l'indépendance du Québec avant, pendant et après les élections. Pour lui, le Bloc appartient à ses membres et à ses bénévoles. Les militants doivent sentir qu'ils ont un impact réel sur ces orientations et que leurs efforts contribuent directement à faire progresser notre marche vers l'indépendance. Il dit « Ensemble, malgré toutes les apparences, nous avançons et notre détermination collective se renforce chaque jour. » Et comme le disait Alain Stanquet, « Se battre pour une cause juste, n'est-ce pas déjà une victoire? » C'est clair. Quand tu as des bons objectifs, c'est déjà une bonne façon de vivre, je pense. Oui, c'est bien d'avoir un politicien qui a une parole vraie, une parole facile, une parole authentique. Tout à fait. Et je termine avec une dernière citation de lui. « Nous, qui possédions un pays grand de la baie du Tson au golfe du Mexique, en passant par les grandes plaines de l'Ouest, nous qui avions défriché ce continent et apporté la pensée française en Amérique, nous qui avons survécu à toutes les humiliations, toutes les interdictions, toutes les violations et les manipulations, nous sommes encore ici, dans nos derniers retranchements au Québec, victimes de ceux qui voudraient nous voir reculer. » Je l'adore, ce bonhomme. Donc, je réinvite nos auditeurs à venir l'entendre en conférence ce jeudi à l'Atrium à 12h15, donc au pavillon Ringuet de l'UQTR. Il va y avoir une conférence de 45 minutes plus une période de questions également. Et il va y avoir une introduction de Yves Rochelot, qui a été député pour Trois-Rivières du Bloc entre 1993 et 2004. Donc, une conférence sur le thème « Fort, libre et démocratique ». Et je rappelle aussi le slogan, le nouveau slogan du Bloc, le Québec, petit blanc, le Québec tout le temps, avant de partir en chanson, je vais... On a encore quelques minutes, toi, tu me dis, on a quatre, ouais, on a encore deux, trois minutes si tu veux jaser. C'est bon. Ben j'ai trouvé ça sur Internet, oui. La prière du Québécois. Let's go. Donc, mes amis, main sur le cœur. Notre Québec qui est offensé, que ton nom soit reconnu, que ton référendum soit accordé, que ta souveraineté soit faite sur cette terre qui est la nôtre. Donne-nous aujourd'hui notre espoir de demain. Pardonne-nous d'avoir été Canadiens, comme nous le pardonnerons à ceux qui le resteront. Mais délivre-nous du Canada. Amen. C'est bien. À suivre, ça va être une belle élection. En tout cas, fédéral, là, je pense que ça va brasser pas mal. Je sais que TransCanada a encore l'intention de faire son fameux projet au port de Gros-Cacouna. Okay. J'ai vu ça dans l'actualité hier. Pourtant, tout le monde y dit que c'est une mauvaise idée. Oui, c'est ça. Mais ça, de plus en plus, on entend comme moins parler, mais eux autres, ils continuent à vouloir faire ce qu'ils ont à faire. Même les bélugas ont été mis sur la liste des espèces en voie d'extinction, ce qui est supposé de faire interdire le projet. À cet endroit-là, ils pourraient le changer de place. Oui, ils ont pensé à Matane. C'est ce qu'ils disaient. Oui, mais je pense qu'ils n'ont pas entendu parler de la campagne « Coule pas chez nous ». Il me semble que c'est assez clair. Mm-hmm. Et puis sinon, de l'autre côté de la frontière, les États-Unis vont bientôt peut-être donner leur aval. Donc, ça va peut-être faire descendre la pression sur le Québec, finalement, s'ils acceptent de faire... Keystone XL. Oui, exactement, ce fameux oléoduc. Parce que malheureusement, Obama a perdu... Oui, c'est ça. Lui, il avait dit non, mais le Congrès a décidé que oui. La Chambre et le Sénat sont devenus majoritairement républicains. Ouais. Donc... lui se garde peut-être un droit de veto, mais ça va peut-être nous aider. Les belugas d'un bord, puis on va envoyer la boîte aux États-Unis. Ah oui, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Non, vraiment pas. Qui regarde? De toute façon, en ce moment, avec le prix du pétrole... Qui continue de baisser. Ben oui, c'est pas le temps. C'est pas l'avenir, tu sais, disons. Là. C'est le temps de changer, là. Exactement. Maintenant, c'est là, en plein là, le on temps On peut de attendre qu'il reste plus de pétrole pour se dire « Bon, okay. On peut attendre non plus qu'il remonte le prix. C'est pas une bonne idée. Puis un jour, le danger, c'est que l'Alberta vive au crochet du Québec parce qu'ils sont... Mais déjà là, à cause des baisses de prix de pétrole, ils ont de la misère, ils sont en déficit, puis ils sont dans un rythme de vie. Eux autres sont habitués de dépenser, mm-hmm. d'avoir de l'argent au bout du compte, mais là, ça marche plus. Là. Il y a le tiers des profits qui rentrent plus, fait que ça fait beaucoup, beaucoup. Oui, fait que ça, on va en entendre parler toute l'année. Tant mieux. Parce que eux autres, la période parlementaire, c'est assez court. C'était avant quasiment de finir, ils viennent de commencer. Ouais. Ils vont arrêter durant l'été. Fait que déjà, c'est les élections là, qui s'en viennent, ouais. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup. À suivre, fait plaisir. Yes. On s'en va écouter quoi, mon ami? Babin et les Chics Clochards, qui est un groupe de Montréal, de jazz. Je ne sais pas si ça existe encore, c'était des amis à moi, mais on va écouter la pièce. Pay cash. Et voilà. Let's go. On était dans 30 minutes pour l'indépendance avec mon ami Maître Jeff Veilleux. Il va venir nous reparler mardi prochain dès 12h30. Sinon, n'oubliez pas d'aller à la conférence de M. Beaulieu ce jeudi à l'Atrium CEU, à 12h45. 11h45. Oui, 11h45. Moi, sinon, j'aurais pu y aller. En tout cas, peu importe. Moi, je vous redis à demain parce que le dîner de con, il n'y a plus de temps après ça. Donc, un autre show demain, 11h. Regardez à double tour, fallait qu'elle soit fière. Les bijoux de famille de l'Empire dans la mire. Du vent, des grands oiseaux de fer venus de fer. Tour à tour, les tirelures retombent par terre. Où dit que d'abord du Soufflet plein à craquer cette halle au plancher sur le drapeau étoilé, salut froidement froissé. Demain, les fronteries se sont effondrées. Où dit que d'abord du bruit? Pay cash. accès quand la mort moralisée. Au nom du père, au nom du vice, pour abreuver les BMW. L'axe du mal à des axes, c'est quand la mort moralisée. Au nom du père, au nom du vice, pour abreuver. Écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Ok, oui. C'est Stéphanie Paradis. Voici Master Steph. La chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Je regardais mes photos sur Facebook et j'étais en train de me rendre compte que j'avais pas appuyé sur publier. Donc là, elles sont là. Ça va être moins pratique pour moi de m'en poser ça. Petit détail. Okay. Donc oui, Master Steph, c'est quoi? Ben, ça le dit pas mal hein, en commençant. Deux syllabes, non, deux mots, deux demi-mots. Deux mots, pas mal, finalement. Deux mots, ah oui. Deux mots. Deux mots. Trois syllabes. Première syllabe. Master. Sonne comme masse. Une tumeur. Ok. C'est une masse, ouais, c'est bon. Admettons que tu prennes gainé, tu veux sortir l'eau, faut que t'as. T'as peur, t'as peur. T'as peur. Puis Steph, ben, c'est moi. C'était funny. Funny, funny stuff. Funny, funny stuff. Voilà. Donc, écoute, moi, je vous cuisine des trucs dans Master Steph. Peut-être que vous l'avez pas deviné. Ben, je vous l'explique. OK. Et là, beaucoup, très longtemps. Je l'explique plusieurs fois. C'est cool. Et là, qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine? La Saint-Valentin, c'est... Ben oui, fait qu'on fait quelque chose un petit peu en thématique avec ça, mais c'est un peu hasard, en fait. OK. Après l'avoir fait, je me suis dit, hey, ça fit. C'est rouge. Ah, j'imagine que c'est rouge. Je me trouve vraiment génial. J'ai pas vu les photos encore. Donc, qu'est-ce que je t'ai cuisiné aujourd'hui, Mathieu? Ce sont des biscuits aux pépites de chocolat velours rouge. Pas du Red Velvet. Du Red Velvet. Pas une tonne avec ça. Hein? Une tonne avec ça dedans. Non, ça, c'est Black Velvet. Ouais, c'est Black Velvet. Black Velvet. Il donne d'or Blue Velvet. Puis... J'imagine. La dame en bleu, là, elle portait du velours. La dame en Blue Velvet. Blue Velvet. Voilà. Donc, je vous présente les ingrédients, la préparation. Mais vous pouvez suivre à la maison. C'est tout simple. Vous allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Et vous allez le voir sur le mur. Les photos sont là. Puis ça commence avec la poudre. La poudre? La poudre. Il n'y a pas de Velvita dedans, là, même si c'est Red Velvet, là. Red Velvita? Gratiné au Velvita? Non. Ben, pas des biscuits, là. J'aurais pu te faire des muffins macaroni Velvita. Muffins au grilled cheese, parfait. Mais j'ai vu ça passer, hein. C'est des genres de muffins mac and cheese, là. Arrête. Ça, c'est perturbant. Ça se mange saut. Saut. Saut. Ça se mange saut. Si ça se mangeait pas saut, j'en aurais fait. Un manchot. Je vais pouvoir manger ça, merveille. Donc, oui, vous pouvez commencer à suivre sur la page Facebook. Moi, je commence en vous donnant les ingrédients. Donc, c'est tout simple. Ça prend une tasse et demie plus une cuillère à soupe de farine tout usage. Là, ça attends un peu, là. C'est super important. Parce c'est que précis, ça? Parce qu'il te le donne en grammes là, sur le blog, ouais. C'est ça. Donc, dans les desserts, c'est très important les bonnes quantités. Sinon, ça peut tout foirer. Ça tombe à plat. Voilà. Ensuite, ça prend un quart de tasse de poudre de cacao, une cuillère à thé de bicarbonate de soude, un quart de cuillère à thé de sel, une demi-tasse de beurre non salé à la pièce. Hein? Pardon? Voyons, Mathieu! À l'emporte-pièce? Une demi-tasse de beurre non salé à température de la pièce. Ah, d'accord. T'avais pas compris? J'ai compris pièce, au moins. Ensuite, trois quarts de tasse de cassonade. Un quart de tasse de sucre granulé. Donc, si tu comptes, ça fait une tasse de sucre en tout. OK, OK. Hein, c'est, mais pas de deux sortes de sucre. Donc, faites attention, ne prenez pas juste du sucre pour compenser pour l'autre. Là. C'est ça? Non? Honnêtement, je sais pas ce que ça ferait. OK, OK. Le goût, probablement, serait différent et ouais. Probablement la texture aussi. Ensuite, ça prend un œuf à température de la pièce. Ah. Donc, idéalement, faut le sortir une heure à l'avance. Lui faire ses petits besoins dans la rue. C'est vraiment... Pourquoi? Je pense que ça marche. Non, à température de la pièce. Faut pas qu'il sue, là. OK, faut pas qu'il... Ah, excuse-moi. Non. Puis si vous oubliez de le sortir, 5 minutes dans de l'eau tiède. OK. Et ça va faire la job. Ah. Ensuite, une cuillère à soupe de lait. 2 cuillères à thé d'extrait de vanille. Une cuillère à soupe et demie de colorant alimentaire. Là, j'ai pas précisé, là. Mais rouge pas mal, ouais. Parce que sinon, ça va être quelque chose d'autre. Black velvet. C'est ça. Ça va être quelque chose d'autre velvet. Et ensuite, une tasse de pépites de chocolat mi-sucré. Donc, il y a vraiment full beurre, full sucre, full chocolat. Ça peut pas être mauvais, là. Non. Donc, préparation. Dans un grand bol, mélangez la farine, la poudre de cacao, le bicarbonate de soude et le sel. Et de mémoire, c'est la première photo. Oh! Donc, il n'est pas mélangé, là. Moi, je vous l'ai mis, là, pour que vous le voyez. Son côte à côte, là. C'est ça. Oui. Mais le sel est un peu partout, en fait. Oui. Si vous voyez des petites crevasses dans la farine, ça, c'est le sel. OK. Si on met ça de côté, on va y revenir tantôt. Dans le bas d'un batteur sur socle, on va battre le beurre jusqu'à ce qu'il soit crémeux. Moi, il a vraiment fallu que je le gratte parce que tu vois, sur la deuxième photo, il y a tout pogné en pain dans un coin. Ouais. Donc, il faut racler les beurres quand même souvent dans cette recette-là. Ensuite, on va battre à nouveau avec le sucre et la cassonade jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Je pense que c'est la photo suivante. Tout à fait. En passant, racle les beurres, c'est vendredi 11h, assez fou. Rock les bords. Ensuite, on va battre avec l'œuf, le lait, l'extrait de vanille. Une fois que ça, c'est homogène, on ajoute le colorant alimentaire et on bat à nouveau. Ça, c'est la prochaine photo. C'est rouge. C'est rendu rouge à la date. C'est rendu rouge, hein? Ouais, texture guimauvée un peu, mais je pense que c'est l'effet de la photo. Probablement. Ouais. Ensuite, à basse vitesse, on va incorporer les ingrédients secs dans les ingrédients liquides jusqu'à ce qu'une pâte molle soit formée. Et on ajoute finalement les pépites de chocolat à la photo suivante. Ah, là, c'est rendu plein de pépites dans le milieu. Ça a l'air bon, hein? Ça a l'air très bon. Non, faut pas manger sa cuillère de main. Sinon, il va te pousser des herbes à biscuits dans le bedon. Ensuite, on va couvrir la pâte de papier d'aluminium ou de papier cellophane et on va laisser refroidir au réfrigérateur pendant une heure. Et ça, c'est super important, cette étape-là. T'as pas pris le réfrigérateur en photo, mais on le sait. Non, mais on voit là, le saran wrap en dessous de ma boule de pâte. Oui, c'est vrai. Tu le vois-tu? On le voit, oui. Parfait. Oui. Ensuite, pas le manquer. Non. Ensuite? Préchauffer le four à 350. Malheureusement, j'ai pas de photo. Donc, allez voir dans les archives des autres recettes d'assemblage requis si jamais vous êtes mêlé avec le 350 degrés Fahrenheit. Trompez-vous pas dans Celsius, là, vous autres. Non. Bande de débutants. Hein? De toute façon, tu connais-tu une cuisinière qui est en Celsius, toi? Non. Ensuite, on va recouvrir deux plaques à biscuits de papier parchemin. Là, j'ai paniqué parce qu'il me restait à peu près la grandeur d'une plaque à biscuits. Oh. Là, je me suis dit, je vais la réutiliser. Mais mes plaques sont neuves, sont très anti-collantes. Ouais. Comment tu dis ça, là? Anti-dérapante, je sais pas. Non, anti-adhésive. Anti-adhésive, oui. Ouf. Ouais. Et c'est plein de gras dans les biscuits. Je me suis dit, je prends une chance. Au pire, cette batch-là, je la gratterai ou je la mettrai sur ma crème glacée. OK, bonne idée. Mais sinon, j'avais quand même une batch cuite sur le papier parchemin, mais finalement, ça n'a pas collé. Il y a tellement de gras dedans avec une bonne plaque, ça colle pas. Good. Ensuite, on va former des boules d'une cuillère à soupe et demie de pâte. On dirait des Timbits. À peu près. À ce moment-là. Un petit peu plus gros que des Timbits. Mais il n'y a pas l'échelle. On n'a pas d'objet à côté pour comparer. Il aurait fallu que je mette un Timbit à côté. C'est ça. Mais moi, je les ai faites un petit peu trop petits, étant donné que j'ai eu plus que 18 biscuits en tout. Okay. Donc, c'est approximatif. Donc, c'est important de, t'sais, de tes yeux, tes biscuits, ouais, parce que ça donne jamais le bon nom. Donc, on va placer 9 boules par plaque. Ça, c'est si vous en avez 18. On s'entend. Ensuite, on va faire cuire une plaque à la fois, très important, de 10 à 11 minutes. Si les biscuits ne sont pas complètement aplatis à la sortie du four, on va appuyer dessus avec nos doigts ou avec le dos d'une cuillère. Et on ajoute quelques pépites de chocolat sur le dessus des biscuits pour le look. Ça, c'est facultatif, mais c'est beau de rajouter les pépites. Mmh. Et ça fait des craquelures dans les biscuits qu'on trouve vraiment chouettes, en fait. Oui. C'est un peu voulu. Et ensuite, on va laisser refroidir sur la plaque 5 minutes avant de transférer sur une grille pour laisser refroidir complètement. Voilà. Donc, je pense que là, tu as été rendu aux photos finales. Ouais. Je t'ai pas dit de continuer. Non, je sais. Mais je me suis amusée avec la dernière photo. Okay. J'ai reçu un beau cadeau à Noël. J'ai mis mes biscuits sur un piédestal. Un présentateur. C'est beau, hein? C'est ben, pas juste un biscuit, tout à dessert. Est-ce que t'as pris ça? Est-ce que t'as mis une couverte derrière, quelque chose? Parce que c'est beau, une nappe. Là. C'est une nappe noire que j'ai avec des petits motifs. Comme on dit, there's a nap for that, hein? Comme on dit. Exactement. Ça, ben oui. Voilà. Mais c'est très, très beau. On dirait un chapeau, genre des années 50. Genre, mais c'est beau. Un chapeau. Ouais, tu sais, avec le petit, la petite boucle devant. Là, ah, ouais. Boîte à chapeau, boîte à chapeau. Boîte à chapeau, boîte à voilà, chapeau. Boîte à chapeau. Donc, pour les explications, en fait, moi, je reviens sur le colorant alimentaire. Ça dit une cuillère à soupe et demie. Moi, j'ai ajouté une petite bouteille au complet, là, que ça se vend en mini-bouteille. Ouais, là. Ouais. Je l'ai mis au complet dans la part parce que je voulais vraiment pas qu'elle soit rose. Je voulais qu'elle soit vraiment très, très rouge. Ouais. Donc, ça équivaut peut-être à 2 cuillères à soupe et demie. Puis, le goût est pas donc, trop sucré, genre. Fait que c'est ça pas goûte grave, c'est absolument rien, okay. Le colorant alimentaire. Ah, je savais pas ça. Donc, c'est vraiment juste pour le look. Donc, on se gâte, là. Si t'en mets juste un petit peu, ça va être rose. Moi, je voulais pas du pink velvet, là. Je voulais red velvet. C'est ça. Voilà. Ensuite, pour ce qui est d'écraser les biscuits, hein, la sortie du four, je vous conseille fortement l'option cuillère. Moi, j'ai pris l'option doigt parce que j'étais paresseuse, là. Mais c'est parce qu'avec les doigts, quand t'appuies sur une pépite de chocolat en train de fondre, je te dirais que c'est juste moyen comme expérience, là. En plus, des fois, il faut que tu appuies souvent parce que t'as pas comme assez de doigts. Bref, prends une cuillère. Non, mais de large, parce que c'est des traces de doigts. Mm-hmm. Là, ça fait bomber sur le côté. Ouais. Fait que je te conseille la cuillère. Merci. Okay. Quand tu vas faire tes biscuits. Une grosse cuillère. Une grosse cuillère. Une grosse cuillère. Une grosse cuillère. À soupe. Celles qui sont vraiment particulièrement rondes, puis les grosses, c'est les soupes plein nouilles. Peu importe. Sinon, si tu veux de la texture, style biscuit au beurre de pinot, oui. Prends la fourchette. OK. Parce que tu sais, sur les biscuits au beurre de pinot, il y a plein des petites clings. Des stries. Des mois. Hein? Ça, c'est un dos de fourchette, ça. OK. Wow. Fait que si tu veux faire ça, voilà. Direct. Hey, hein? Avant de goûter, quoi? On va aller en musique. Hein? Ça te tente-tu? Ben oui. On s'en va entendre. Là, tout de suite, je vous dis, attention, c'est pas en anglais. OK. Si je me trompe pas, selon ce que j'ai vu, ça serait du russe. OK? Ouais. Donc, nouvelle expérience pour nous. On s'en va entendre, je crois, du russe avec la pièce dance de la formation Red Velvet. Dans Master Steph. Ça, c'est fou. We'll be right back. du russe, ça. C'était Dance de la formation Red Velvet. Et vous êtes toujours à Master Steph. Détrompez-vous. Vous ne vous êtes pas trompé de chaîne. Si tu me l'avais pas dit que c'était du russe, j'aurais pensé que c'était un anglais que je comprenais juste pas. Ah, j'aurais sûrement rien dit pour parler trop cave. C'est du redneck. Ou d'australien. Je comprends pas l'australien. Ah, c'est cute. Hein? C'est cute. Non, je comprends rien. Oh, j'aime ça. Là. Mais je sais pas. Faut que tu comprennes quelque chose. Ça, c'est cute. Non? Je comprends. Non, j'écoute Big Brother Australia à chaque année. Puis ah, t'es bon. Que j'aime ça. T'es bon. C'est le fun. J'avais essayé d'écouter Biggest Loser. Puis néant total. Ah ouais. Néant total. Bon. Donc, oui, on revient à Master Steph. Ok. Et je vous ai fait aujourd'hui des biscuits aux pépites de chocolat velours rouge. Thématique Saint-Valentin. T'es cute. Mais c'était pas voulu, mais non. Ça donne bien. Si tu l'avais pas dit, j'aurais pas su. C'était pas voulu. C'est hein? Ça, mais moi, je suis honnête. On est transparents tous les deux, tu sais. Voilà. Je pense qu'on fait pas de la TV. Il reste le décor. Affreux décor de notre studio. Alors, excuse-moi. Je m'excuse. Avec la pancarte interdiction de manger. Puis les anciens logos partout. Ouais, c'est ça. C'est super cool. OK. Donc, Red Velvet. Red Velvet. Est-ce que j'ouvre mon petit plat... Dans le plat magique, dans le micro magique. Hey, c'est même pas un plat Ziploc, c'est une imitation. Arrête! De plat Ziploc, c'est un storage. Si tu me l'avais pas dit, j'aurais pensé un pot c'est Ziploc. C'est parce que je viens de m'en rendre compte, c'est un storage. Wow, c'est pareil comme le vrai. C'est horrible. La texture est-tu pareille du plat? Non, le dessous est plus mal. On t'écoute. Dans le micro magique. Dans le micro magique. Oh! Oh! Intéressant. Ah, l'odeur est totalement jouissive. Ça sent... La pâte à gâteau au chocolat crute. La pâte à quoi? À biscuit? À gâteau. À gâteau, OK, oui. Tu sais, genre, les mélanges à gâteau en boîte, là. Ouais. Ça sent ça, mais cru. Aïe, aïe! Ça sent vraiment bon. Tu sais, genre de truc, moi, je mangerais ça à la cuillère. On l'écoute dans le super olfaxiomatique. Magique. Matique, ça, c'est toi. Non, mais là, j'ai comme un genre de rhume, là. Fait que je vais juste en prendre un sur le dessus sans tout. Mais oui, mais sont à toi, les autres. Arrête donc, t'es fine. OK. Bon. Merci. J'en prends un. Attention, je sens. C'est vrai que ça sent bon. Mais là, tu sais, t'as le rhume, mais fait que je sais pas si tu sens vraiment toute l'ampleur. Grâce à Buckley's complète, je peux sentir de nouveau. Mais parle-moi des avantages des Buckley's complète. Ah, mais avec plaisir, Stéphanie. Non. On goûte. Hey, as-tu remarqué que le dessous... Ouais. Hein? Quand le dessous... Le dessous du biscuit, oui. Il est brun, il est même pas rouge. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas, hein? C'est comme si le colorant remontait à la surface à la cuisson. Ah, il y a quelque chose, une question chimique derrière ça. Justine Pertine nous en parlera un jour. Hey, Justine, si tu es à l'écoute, explique-nous pourquoi le biscuit de mes Red Velvet sont bruns. On goûte. Faut pas un petit peu de biscuit. Non. Il y en a partout des pépites dedans, tu peux pas en manquer. C'est bon, c'est... Texture molle, j'aime ça. Ça fait biscuit mou. La texture est totalement sublime. On dirait la texture, tu sais, biscuit Subway, là. Ben gros, sucré. J'allais le dire, mais des fois, ils sont plus. Peut-être que tu pourrais les faire réchauffer un peu, ce sera encore meilleur. Ah ouais. Puis, y en a-tu de la pépite là-dedans? Il y a de la pépite en masse. Mm. Le chocolat, tu sens le Red Velvet. Tu le sens bien? La partie gâteau, oui. Oui. Il est vraiment cochon, là. La texture est parfaite. Tu sais, mettons, je trouve que l'épaisseur, c'est meilleur. Si, mettons, Subway faisait leur biscuit épais comme ça, je serais pas triste pantoute. Ça mord plus dedans qu'un biscuit mou. Tu pourrais le défaire morceaux, puis tu sais, si tu l'avais fait chauffer ton chocolat, les pépites viendraient couler. Hein. Imagine ça, chaud émietté sur de la crème glacée à la vanille. Oui. Oh. Mais c'est comme... C'est pas trop friable. C'est un peu friable, mais à la fois moelleux, puis tendre. Ah, c'est... C'est une recette gagnante, on s'entend. Vraiment. Tellement de beurre puis de sucre, on pouvait pas s'attendre à moins. Je mets le reste sur un mouchoir. Et on se lance dans... Les trucs astuces, trucs astuces, trucs astuces, trucs astuces, trucs astuces. OK. Hey, tu sais, fallait pas qu'on arrête de manger. Fallait qu'on arrête, ouais. Hey, trucs astuces. De l'huile d'olive, OK? Elle risque de rancir si elle est trop exposée à la lumière et à l'air. Donc, c'est important de la conserver dans un endroit sombre et relativement frais, dans une bouteille bien bouchée. Donc, souvent, on va voir les bouteilles d'huile d'olive qui sont transparentes. Souvent, elles sont de moins bonne qualité parce que, tu sais, à l'épicerie, là, elle va être exposée aussi à la lumière et tout ça. Ouais. Donc, on va essayer d'aller chercher une bouteille qui va être opaque. Et c'est important à la maison de le conserver bien bouché et dans un endroit quand même à la noirceur. Donc, dans le garde-manger, c'est quand même gagnant. Mm-hmm. Et le passage au réfrigérateur peut l'amener à se troubler. Ah. Mais le phénomène est temporaire et l'huile redevient limpide à température ambiante. Donc, faut pas s'inquiéter. Troublé qui, on le rappelle, pour ceux qui ont écouté l'émission de lundi, c'est la version française de True Blood. Oui. Troublé, on l'a exactement. Dit. Exactement. Jus de fruits. Pour rendre au jus de fruits acheté en boîte un goût de fruits frais. Okay. C'est possible. Et en mettant des fruits frais dedans, non? Non, il suffit de le battre quelques minutes au mixeur pour le réoxygéner et le débarrasser de l'arrière-goût qu'il va acquérir en étant conservé à l'abri de l'air. Ah. Donc, on doit l'oxygéner. Ou peut-être que tu peux faire ça tout simplement au lieu de le mettre au mixeur. Tu le mets dans un verre avec une paille et tu souffles dedans. Comme un ben enfant de 4 ans. Ah, c'est encore meilleur ça. Hein? Mais les enfants de 4 ans ont tout compris. Là, ils font pas ça pour rien. La vérité sort de où, tu penses? La bouche des petits-enfants. C'est ça. Ensuite... Ça, il y a des microbes aussi quand ils souffrent dans leur jus. Comment? Ça, il y a des microbes quand ils souffrent dans leur jus. Parce que, ouais, j'avais... Les microbes sortent de la bouche des enfants, c'est ça. Ensuite, on parle de moule, okay. Mais pas l'affaire... Moule de moule? Non. Non? Non. Pour recouvrir un moule de papier sulfurisé, on va le froisser, pas le moule, là, le papier sulfurisé, et il va être beaucoup plus facile à utiliser. Wow! Hein? Ensuite, on parle de pistache. Pistache? Pour ôter facilement la peau des pistaches, on va les plonger pendant 10 secondes dans l'eau bouillante et on les frotte avec un torchon. Et voilà! Le tour est joué! Magie! Et finalement, toi, mettons, Mathieu, t'as du sel à la maison qui prend l'humidité. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. On ajoute quelques grains de riz dans la salière. Directement dedans? Oui. Donc, c'est un peu le même principe. Là, si t'échappes ton cellulaire dans l'eau, tu vas mettre la pile dans le riz. Ouais. Donc, tu mets quelques grains de riz dans ta salière. Ça va protéger de l'humidité. Mais attention, si tu as un moulin à sel, c'est pas une bonne idée de mettre des grains de riz parce que tu vas râper du riz dans ton spag. Ça rajoute de la saveur. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, voilà, des grains de riz. Hey, on rit plus. C'est déjà fini. Ah non, ça a passé vite, ça, cette chronique-là. Je le sais, mais nous autres, on va continuer à manger. Ben oui, mais ça, il nous reste encore un petit biscuit. Un petit fin de biscuit. Ah ouais, j'ai pas tout mangé, là, pas tout mis dans ma bouche. On fait Master Steph habituellement les mardis à 9h. Mais avant, c'était les mercredis, fait que c'est correct. C'est quoi, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et sans l'alternance avec une grosse pointe d'adresse, ça, c'est ma chronique fast food. Voilà. Merci, Steph. Ça me fait plaisir. Si on avait été dans une autre station de radio, je t'aurais dit qu'on se quitte avec un extrait de Alan Miles. Voici Black Velvet pour toutes les femmes du monde. Sourcils fous. voilà, donc c'était un extrait de ça parce qu'on n'est pas ce genre de station-là. Voyons donc. Pas notre genre partout. Pas tout notre genre. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons, un certain midi cette semaine. sur cette ère des années folles, hein, en ce jeudredi, on rejoint notre ami Alex Dorval du Temps d'une pinte. Salut Alex! Salut Danny, ça va? Ben oui, ça va bien. On s'était pas vu la semaine passée, on a parlé mixologie. Ouais, ça s'est bien passé. Vraiment intéressant, oui, tout à fait. Bien ouais. Sympathique, votre mixologue professionnel. Ouais, Alex Auger, il occupe comme 5-6 postes au Temps d'une pinte. Il a fait de la torréfaction, il est barista, il s'occupe de la mixologie. Il a aussi fait. Il est assistant à l'événementiel. Fait que c'est, puis en plus, il fait des bons drinks. Fait que. Ah, on voulait qu'il vienne un bon atout. Ça. Un bon atout au Temps d'une pinte. Aujourd'hui, de quoi tu nous parles, mon ami? Ben, je vais y aller en deux volets. J'avais oui. Pas comme un concept global pour ma chronique. Fait que je voulais faire un petit volet historique parce que le Temps d'une pinte, on est partenaire culturel de la ville de Trois-Rivières. Oui. Puis nous, ce qu'on veut faire, notre mission, c'est de mettre de l'avant, soit par les noms de nos bières, notre concept d'établissement, et puis comme ça, une chronique radio, l'histoire de la région. Puis je voulais vous parler de la brasserie Art qu'il y a eu à Trois-Rivières au 18e et 19e siècle. Excellent. Puis sinon, après ça, je vous parle de ce qui se passe à soir au 5 à 7. On a un spécial au Temps d'une pinte. Génial. En passant, juste avant que tu nous commences avec cette historique, je suis allé sur Trois-Rivières Illustré, sur la page Facebook. Oui. Et il y a des super photos. On voyait la brasserie d'or. Ouais. On a vu le gros marteau. J'ai vu quelques photos passer. Vraiment intéressant. Ben, ça nourrit mon imaginaire pas mal à ce niveau-là. Là, je dirais que c'est super ça pour ceux qui ne connaissent pas le groupe la Facebook. La page est hallucinante. Trois-Rivières Illustré. Je pense que dans les ceux qui administrent le groupe, il y a des historiens. Oui, René Beaudoin, ouais, des historiens. Vraiment des photos exceptionnelles. J'ai trouvé des photos de Pointe-du-Lac, mais des affaires que tu n'imagines pas qui existaient. Puis ça fait comme lever le poil tellement que c'est cool. Ouais, peut-être, qui sait, peut-être que maintenant on va se faire une petite exposition. Ça serait bien intéressant. Aux ouvriers de la région. Yes. Et j'avais trouvé un petit peu justement d'informations par rapport à Brasserie Art sur Trois-Rivières Illustré. Oui. Par rapport où la famille Art, c'était qui? Oui. Dans le fond, c'était une famille de Juifs qui se sont établis à Trois-Rivières. Donc, c'était M. Aaron Art qui était... Oui. Qui est parti de l'Angleterre, qui est allé en Jamaïque pendant un certain temps, qui s'est ramassé à Trois-Rivières. Drôle de parcours, hein? Quand même. Mais il y en a qui aimeraient ça faire le contraire. C'est ce que je m'en allais dire. Mais lui, je sais pas s'il y avait déjà la culture reggae là-bas, là, puis c'est peut-être lui qui l'a emmené à Trois-Rivières ou de quoi. C'est peut-être pour ça que. C'est olé, olé. Qu'on a des gens avec des rastas, des fois. Exact. Donc, peut-être dû à lui. Mais lui, dans le fond, c'est un homme d'affaires. Il s'est impliqué autant en fourrure qu'en politique. Avec ses fils, ses quatre fils, Ézéchiel, Benjamin, Moses et Alexander, ils se sont partis une grosse entreprise qui visait à faire de la bière, de la boulangerie, de la pâtisserie, puis des bijoux. Donc, c'est des hommes d'affaires. Ouais, ben, ils voulaient te fournir tout. De tout, exact. Puis que t'aies juste le besoin... Walmart, le Walmart de l'époque. C'était ça. Puis eux autres, dans le fond, c'est surtout Ézéchiel qui était un des frères, qui lui a vécu de 1767 à 1843. C'est lui le plus connu, hein? Oui, Ézéchiel Art, c'est lui qui a parti la brasserie avec son père, en gros, même s'ils étaient tous égalitaires selon ce qui se passe. Selon le contrat. Les contrats. Puis, il a fini par vendre à Moses aussi plus tard. J'avais déjà entendu une légende urbaine, je suis pas certain si c'est vrai, mais quand on dit ici à Mauricie là, qu'on traite quelqu'un de Moses, là, okay. Ça viendrait de M-O-S-E-S, du frère Moses Art, qui était comme, il paraît qu'il était tannant. OK, c'est un petit Moses. C'est un petit Moses, mais ça vient-tu de lui ou c'est-tu un régionalisme ou un québéquisme? J'avoue, j'aime, on va s'informer. L'idée. Oui. Ben, bref, c'était un nom... C'est un bon nom de bière, ça, le Moses. La Moses, aussi. Ben, ouais. Il n'y a pas assez. Sûrement. En 1796, ils font une malterie, dans le fond. Puis juste un peu après ça, 1797, ils se partent une houblonnière sur la rue du Haut-Boc. Donc le Haut-Boc, c'est, je dirais, quand on prend la Violette, juste avant le palais de justice, oui. Quand on s'en va vers le sud, près de l'hôtel des gouverneurs, il y a la rue du Haut-Boc. Il semblerait qu'il faisait pousser du houblon là, donc une houblonnière. Oui, la campagne commençait là, à Trois-Rivières. Le séminaire, c'était dans le champ, complètement. Même, tu sais, je veux dire, quand ils ont construit ça, le séminaire, c'était le champ, c'était la fin de la ville depuis un bout là. Ben, ça explique pourquoi qu'eux autres, il y avait une terre là. Ça dit qu'ils ont acheté une terre la rue du Haut-Bac. Mais je me disais un bac. Mais c'est ce que je me dis aussi. Ça pourrait aussi lier. Il y a plein de trucs dans l'histoire qui peuvent faire des bons noms. Ça, justement, c'est le genre de questions qu'on peut demander sur Trois-Rivières Illustrées. Puis ils nous répondent. Les gens sont vraiment intelligents. Ils ont vraiment de l'histoire. Ouais, ouais, beaucoup. Mais au Haut-Bac, j'avais fait ma recherche pour BOC. Oui. Puis c'est plus un synonyme de preux comme bocage. Okay. C'est comme entre un preux et un marécage. Puis la fois, ce qui était étonnant, c'est que quand je cherchais, il y a beaucoup de gens qui me disaient la brasserie des frères Hart était pas loin du fleuve, tu sais, pas loin de la descente du parc des Ursulines. Du parc des Ursulines. Ouais. Puis tout le monde me disait que leur brasserie était dans ce coin-là. Mais en fouillant dans des bases de données, parce que vu que les frères Hart ils étaient beaucoup impliqués en politique, mais il y a aussi les sociétés juives qui ont des données sur eux autres et tout. J'ai fini par faire une map, puis je pense que personne ne l'a fait encore. Ça, c'est génial, intéressant. Ça, vraiment. Mais la houblonnière était sur Haut-Bac. La malterie était sur la rue Sainte-Élisabeth, dans un bâtiment qui a été détruit il y a quelques années. Okay. Donc, Sainte-Élisabeth, c'est plus proche du Doublebock Traiteur, se sont installés là, quand on longe le port, la route du port. On a la rue Sainte-Élisabeth juste là, pas loin du delta. Puis, la brasserie semblait être à peu près dans le parc. Okay. Dans la petite pente qui descend vers le fleuve du parc. Dernièrement, il y a une coopérative d'archéologie qui est venue manger au temps d'une pinte. Puis, ils faisaient des travaux sur l'église... Saint-James. Ils faisaient des travaux de recherche. Puis, ils sont tombés sur une impression de mur à quelque part. Ils ont creusé, puis c'était un mur de briques. Puis, c'était à peu près à l'endroit... Le mur de briques était plus là, mais l'impression des briques sur la terre était encore là. Puis, ils nous ont dit que ça ressemblait pas mal aux emplacements que les gens ils disaient que la brasserie Hart s'est installée. Pourrait être installée. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on pensait juste il y avait juste une brasserie. Maintenant, les brasseries, dans ce temps-là, ils avaient besoin de faire pousser eux-mêmes leur houblon. Ouais, ils importaient pas. Là, c'est une des premières au Québec qui était surtout de cette envergure-là, parce qu'avant ça, il y avait eu l'intendant Jean Talon qui avait eu sa brasserie. Mais puis on a aussi sur la Banque des Archives Nationales du Québec, on a les recettes de bière. Oh, cool. Il y avait deux recettes, il y avait une blonde et une brune. Puis la blonde, on imagine qu'elle n'était pas si blonde que ça. Okay. Elle ressemblait plus aux blanches d'aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est ça. C'était pas hyper filtré, là. Sûrement pas. Hein. Non, puis il n'y avait pas de froid pour décanter quoi que ce soit. Mais leur recette, c'est drôle parce que c'est à peu près aussi simple que de faire une recette de biscuits. Okay. Je sais pas, c'est genre tant de quantité de céréales pour tant de quantité d'eau à telle température, puis c'est fait. C'était à peu près tout. Genre, c'était pas bien ben complexe. Là. Il se cassait pas le basic ben ben. C'était la base. Ouais, ben, puis il y avait un hangar à Dreich aussi, pas loin de la malterie. Donc, je sais pas s'il était situé à peu près où que le hangar est aujourd'hui au port, mais ça semble être dans ces environs-là. Puis, quand Ézéchiel est mort, les autres habitaient sur la rue du Platon dans une maison assez cossue. Assez cossue. Puis, ça lui a pris plusieurs semaines vider ses affaires à sa maison. Puis, ils ont trouvé des traités sur la bière, des romans, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui lisaient à ce moment-là au Québec. Mm-hmm. Des Don Quichotte, etc. Okay, des classiques. Fait qu'à Trois-Rivières, c'était pas mal l'élite intellectuelle qui passait. L'élite intellectuelle, l'élite politique, l'élite c'est ça. De tout. Il y avait pas mal de contrôle sur le pain des affaires. Oui, oui. C'était ça, c'était un petit brin d'histoire vraiment pour parler de la famille Hart. Puis éventuellement, c'est certain qu'on va essayer de faire ça, cette recette-là. Même si c'est simpliste, on va essayer de s'en inspirer. C'est pas mal, la simplicité, c'est toujours gagnant d'habitude. Qu'est-ce qu'on boit en ce moment? Ben là, pour passer à mon autre sujet, on boit le Hérisson, qui est la dernière bière sortie. Non, pas la dernière, une des dernières bières que le Trou du Diable a sortie en brassin spécial. OK. C'est un assemblage de saisons. Donc, qui ont fait sûrir leurs bières de saison qui sont faites avec de multiples céréales, genre de l'orge malteux, du bleu, du seigle, de l'avoine. Et ça donne un résultat qui est exactement dans ma palette de goût personnellement. De quoi de sûr, qui goûte la pêche, c'est frais, ça se mange bien avec une salade. Puis ce soir, on a au temps d'une pinte, on reçoit le Trou du Diable formule Tap Takeover. Le Tap Takeover, c'est comme on avait fait avec Jean-Philippe Barbeau du Loup Rouge. Donc, ils viennent, ils prennent le contrôle de la moitié des pompes. Donc, on a encore certains produits réguliers du temps d'une pinte. On a 5 bières en pompe du Trou du Diable. Ce soir, on a la Traction Ale, la saison du tracteur, le sang d'encre, la grivoise de Noël et la Vice Grip. Oh! Puis, on a des brassins spéciaux comme ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les brassins spéciaux, c'est des bouteilles qui se détaillent en dépanneur spécialisé autour de 18 à 20 quelques dollars. Dans les établissements, 20 quelques dollars. Mais ce soir, en formule spéciale, on les fait ouverts. Oh. Donc, pour ceux qui veulent venir déguster les hérissons, ouais. On a aussi la Lord Barlow, qui est une petite mail, donc petite bière ouvrière, qui ont fait vieillir en barrique de vin aussi, qui sortent exclusivement ce soir. Oh, c'est cool. Puis, on a aussi la buteuse brassin spéciale, puis l'ours assemblage numéro 7. Ça va être en bouteille, ceux-là. Oui, c'est des produits embouteillés qu'ils nous ont apportés. Donc, passez nous voir au 5 à 7. Il y a une relâche sur le casque ce soir. On ne perce pas de casque, étant donné qu'on a la formule Tap Takeover. Mm-hmm. Il va y avoir du monde. On a une réserve de 50 en plus en haut. Okay. Fait que ça... Il va y avoir du monde en bas, du monde en haut. Ça se passe au temps d'une pinte ce soir pour le 5 à 7. Le 5 à 7 qui devient une tradition là, à Trois-Rivières, le 5 à 7 du temps d'une pinte. Là. Oui. Vraiment. Hey, merci beaucoup, Alex. Ben, ça fait plaisir. Puis je fais un petit rappel aussi que dimanche, le 15 février, on a le show de Jay Malinowski. Les billets sont encore à vente. Et puis, on a le 14 février, un menu anti-Saint-Valentin. Oh, c'est quoi donc, ça? Donc, pizza froide, pogo, tout ce que vous mangez quand vous êtes Super seul Bowl, la journée de la Saint-Valentin. La bouffe de Super Bowl. Ben, à peu près. Génial. Ben merci beaucoup, on va te voir au 5 à 7, puis ben merci, on se reparle la semaine prochaine. Santé. Santé à toi, je m'envoie une petite gorgée. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Donc, c'est le moment de passer à Laurent Constantin. Voici le Globe en concentré. Salut Laurent Constantin! Bonjour Mathieu Plante, bonjour Stéphanie Barazzi! Allô! Eh oui, ça va bien, vous autres? Très, très, très, très bien! Number 1. Numero uno. Numero one. Umbre uno. Umbre uno, voilà. Laurent Constantin, t'es là pour nous parler d'un sujet de l'actualité, comme toujours. Oui, toujours dans l'actualité internationale. Et qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre? Eh bien, avez-vous remarqué qu'en Russie, ça va pas bien de ce temps-ci? L'économie est en chute libre. J'ai bien fait de répondre non tout de suite. Que ouais, non. C'est vraiment non. À part un gars qui a été brûlé à envie. C'est pas vraiment en Russie. Non, c'est ça. La Russie, on peut dire que ça va mal. Le pays s'embourbe diplomatiquement et militairement dans un conflit qui n'est pas tout à fait le sien, c'est-à-dire le conflit entre en Ukraine, entre les pro-ukrainiens et les pro-russes, donc ce qu'on appelle la nouvelle République de Crimée, donc le territoire de Crimée, territoire qui appartient. Ah, ça répète ça, mais c'est pas tout à fait faux non plus, c'est pas tout à fait faux. Territoire qui, si on peut dire, est dans le pays de l'Ukraine, mais qui culturellement est davantage russe, puisque en tout cas, dans l'histoire, l'URSS, il y a eu différentes colonisations de Russes dans cette région-là, ce qui fait en sorte que même si c'est une région de l'Ukraine, il y a plus de russophones, ben, je pense que c'est ça le mot, de gens qui parlent russe, qui sont de culture russe. Des rustiques. Oui, c'est ça. mais à travers tout ça, pourquoi ça va si mal que ça en Russie? Ben, je vais vous expliquer ça un petit peu. On compte sur toi. Ouais, la destinée du monde repose sur tes épaules. Je vais essayer de m'en sortir comme du monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir exactement sur la Russie? La Russie, c'est un pays qui, anciennement, l'URSS, donc l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes Soviétiques, c'était un pays communiste. Ouais. Puis ben, maintenant, depuis les années 90, ça fait déjà 25 ans à peu près, la Russie doit composer avec le capitalisme, avec l'économie monde, c'est-à-dire pas simplement être une économie centrée sur lui-même, mais partager, donc faire des exportations, des importations, avoir des bourses, on peut dire, à l'international. Et certaines difficultés, peut-être d'adaptation encore 25 ans après, de s'adapter à un autre système financier. Donc la Russie se croit encore un peu tout permis, c'est-à-dire d'avoir son territoire, son grand empire, et sans qu'il y aura jamais de répercussions réelles à la grandeur de la Russie, parce que la Russie peut être maître du monde si elle le veut. Donc c'est pour ça qu'un peu la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. Donc ça c'est arrivé le 28 février. Du 28 février au 1er mars 2014, quand même, ça date déjà de presque un an déjà. Donc, on dit que l'occupation de la péninsule de Crimée par des troupes pro-russes non identifiées, puis des mouvements de troupes de l'armée russe près de la frontière ukrainienne, c'est justement fait février-mars l'an dernier. Quand on dit des troupes non identifiées, c'est-à-dire que ils ont le même uniforme que les Russes, ils ont les mêmes chars blindés que les Russes, tout le même équipement que les Russes, sauf qu'il n'y a pas le petit drapeau, il n'y a pas la petite plaque pour les identifier. Donc, ce sont des forces armées qui sortent de nulle part, d'un conte pour enfants. Oui, ça doit être ça. Donc, on ne sait pas exactement, oui, on sait que ce sont eux, mais ils s'identifient pour pas clairement se dire « oui, on est des Russes et on vient aider les pro-russes », donc les gens qui veulent, si on peut dire, devenir indépendants de l'Ukraine et ensuite joindre la Russie. C'est un peu instrumenté aussi, là. Ils ont financé, si on peut dire, les rebelles pour un peu briser l'État d'Ukraine et un peu les aider à joindre la Russie. Parce que l'Ukraine, si on peut dire en ce moment, vit un peu un état de dépendance par rapport à la Russie, là. Par rapport, par exemple, au gaz naturel, au pétrole, qui est de l'exportation de la Russie directement. Donc, on dit que l'Ukraine subit une agression armée, mais une agression économique aussi, en disant que la Russie, en plus de l'envahir, avec des armées, augmente le prix du pétrole. Donc, c'est en sorte que ça coûte beaucoup plus cher maintenant aux Ukrainiens, tout simplement, de faire fonctionner leur État. Là. En Ukraine, en ce moment, c'est pas tous les bâtiments gouvernementaux qui vont être éclairés avec l'électricité 24 heures sur 24. Ils vont y aller par rythme. Bon, ben parfait, maintenant, pour le prochain 10 heures, c'est tel hôpital qui va être allumé. Le prochain hôpital ou le palais de justice, attendez votre 10 heures. Ben, un donc. Petit peu. Oui, c'est assez un état de crise en ce moment dans ce pays-là. Donc, ça a eu craint, comme on dit. Mm-hmm. Ça craint. Les coûts de gaz naturel ont bondi de 80% en un an en Ukraine. Aïe, aïe. Oui. Wow. Mm-hmm. Et l'économie russe, nécessairement, elle en subit des sanctions économiques, puisque la Russie apprend avec beaucoup de difficultés les réalités de la mondialisation, c'est-à-dire que à force de faire des importations-exportations, les pays avec qui la Russie fait affaire décident un jour de fermer, si on peut dire, le robinet, en disant non, on ne fera plus affaire avec vous. Au départ, c'est la Russie qui a dit à certains pays qui faisaient affaire, non, on fait plus affaire avec vous parce que vous êtes pour l'Ukraine et non pour la Russie. Donc, nous autres, les pro-ukrainiens, on ne veut rien en savoir. Donc, au Québec, par exemple, on se rappelle certains producteurs de porc qui étaient fâchés parce qu'à cause de cette prise de position-là pro-ukrainienne du gouvernement Harper, les producteurs de porc du Québec ne pouvaient plus vendre leur viande sur les marchés russes. Mm. Donc, ça peut avoir des conséquences aussi grandes sur l'économie que aussi petites que genre le fermier du coin au Québec qui n'est plus capable d'écouler son stock. En disant qu'on ne perde pas le pain russe, là. Tu sais, le pain russe avec du fromage autour. Oui. C'est bon, ça, miam. C'est dégueulassement bon? Non, c'est dégueulasse. C'est juste horrible. Je comprends pas pourquoi ça existe. J'adore ça. C'est comme toutes les sandwichs pas de croûte, mais avec du fromage. Oui. Tout ensemble. Ah, toutes mis en tout. Oui. Bon, OK. On continue ça. Donc, en mars 2014, le Canada, les États-Unis et l'Union européenne vont sanctionner économiquement la Russie en interdisant leur territoire à des responsables politiques russes et à leurs homologues de la Crimée. C'est-à-dire, plus aucun envoyé économique va pouvoir aller dans ces pays-là. Donc, le Canada, les États-Unis, l'Union européenne, pour faire des affaires. Ensuite, on va voir le Japon, l'Australie, qui vont prendre des mesures similaires. Et en avril, donc ça c'était en mars 2014, les premiers en avril, il va y avoir l'Albanie, l'Islande, le Monténégro et l'Ukraine. Donc l'Ukraine, ça va de soi. Donc tous des pays qui vont dire « Non, ça va, on arrête de faire affaire avec vous temporairement, là. Réglez vos affaires. » soyez un petit peu plus francs dans vos actions et peut-être qu'on va davantage vous écouter. Ensuite, les États-Unis proscrivent les transactions d'affaires sur leur sol pour 17 entreprises et plusieurs officiels russes. Donc, 17 entreprises ciblées russes se sont fait dire « Non, faites plus affaire avec nous autres. » Pour l'Union européenne, on ferme l'accès à son territoire à 15 autres responsables russes. Donc, un peu des gens ciblés qui sont près de l'entourage de Vladimir Poutine, le président russe, qu'on leur a dit « Non, on ne fait plus affaire avec vous autres. » Pour les mêmes raisons, justement, essayer de régler les choses en Ukraine là, de façon peut-être plus spécifique. Là, et on va peut-être vous écouter. Je pense qu'il n'y a pas de Poutine au pain russe. Je parle de Poutine, mettons. Poutine au pain russe? Tu pourrais l'appeler la Vladimir Poutine. Puis là, tu fais une Poutine au pain russe. Tu mets des morceaux de fromage jaune, genre... Je t'invite à appeler les propriétaires de... On fait ça, hein? On fait ça. De Planète Poutine. On fait ça en nom? Ben, peut-être qu'ils ont peur de ça. Oui. Les représailles, ils ont peur des représailles. Ils ont peur que les Russes viennent plus manger chez eux. La mafia russe débarque. Oulala. Oulala, oulala. Oulala. Donc, nécessairement, en ce moment, les grands patrons russes deviennent fous. Donc, ce sont des gens, justement, qui ont peur que le gouffre financier se prolonge et de perdre tout leur argent, toute leur richesse. C'est des gens qui sont très redevables à l'administration de Poutine. Donc, sur des gens qui étaient amis avec Poutine et qui ont reçu beaucoup d'argent ou beaucoup d'entreprises, beaucoup de monopoles en Russie et qui ont réussi à avoir différents contrats internationaux. Et à cause maintenant des sanctions économiques, ben ils font plus affaire avec personne. Donc, ils seraient portés... Excusez-moi, il serait porté à dénoncer Poutine, les actions qu'il fait de tout le temps vouloir continuer à être conquérant de l'Ukraine. Mais il se garde une certaine réserve, publiquement du moins, parce que même si on est en train de mourir, ben on ne meurt pas, si on veut dire la main qui nous a nourris aussi longtemps. Donc c'est tout le temps, bon, ben oui, je peux le dénoncer, mais lui est capable de m'écraser, mais vraiment par terre. Donc c'est ça la peur. Les gens ont peur carrément de Vladimir Poutine en Russie, puisqu'il est tout... 800. Il s'est assuré d'avoir le contrôle vraiment, autant politiquement qu'économiquement. Il a placé ses pantins aux bons endroits. Donc, ses pantins, maintenant, ils sont un peu bâillonnés. Le pétrole, bien entendu, le pétrole, ça a eu de grands problèmes sur l'économie russe. Je le dis, il exporte beaucoup en Ukraine, mais il exporte aussi à différents endroits dans le monde. C'est un des 10 premier producteur, sinon même un des 5 premiers producteurs de pétrole au monde. Et bon, ben, je l'ai dit dans ma première chronique, si je m'en rappelle bien. Première de quelle chronique? du Globe en concentré en janvier. En janvier, là. Okay, oui. Au début de la session, mais. T'essaies-tu de me dire que je suis là depuis trop longtemps à la radio? Tu changes d'idée souvent. Ah, ça se peut. C'est un compliment. Ah, je me renouvelle. Oui. C'est fou que je change pas d'idée. Ben, c'est ça. Donc, par exemple, en octobre 2014, pendant que le baril de pétrole perdait 10% de sa valeur, le rouble, donc la monnaie russe, perdait 8% de sa valeur. Et en novembre 2014, pendant que le baril de pétrole baissait de 14%, le rouble perdait 15% de sa valeur. Donc ça fluctue, ça suit vraiment le rythme du pétrole, en plus des sanctions économiques. Donc ils sont un peu dans le caca à la Russie en ce moment. Donc la chute du rouble, parce qu'il y a la crise ukrainienne, la chute du prix du pétrole, il y a des débâcles à la bourse de Moscou, puis récemment en plus la cote de crédit de la Russie qui a descendu au niveau spéculatif, c'est-à-dire un niveau pourri, voire dangereux. Donc les experts le disent. Les gens ne veulent plus, si on peut dire, prêter de l'argent aux Russes parce qu'ils n'ont pas confiance en l'économie russe en se disant on va leur prêter de l'argent, mais on ne reverra peut-être jamais cet argent-là. Ouais. Les créanciers, tout le temps, ils vont avoir la difficulté à revoir la couleur de cet argent-là. Donc, on est moins porté à leur prêter de l'argent, ou du moins avec de très grands taux d'intérêt. Donc, aussi, il y a la fuite de capitaux. Tellement que le rouble est instable, descend, ben, les gens en Russie même, les grands propriétaires, même des fois, vont dire « Parfait, tout ce qu'on a dans nos comptes de banque sont en rouble. » On va tout convertir ça en euros, en dollars américains ou en une autre devise qui est plus stable, en se disant que bon, ben, notre richesse va rester telle qu'elle. Mm-hmm. Ça fait en sorte que ben, tous les milliards de dollars, donc ici j'ai... Non, j'ai pas le montant, excusez-moi, mais ça se compte en centaines de milliards de dollars, la fuite des capitaux. Donc, centaines de milliards de dollars en roubles, si on peut dire qu'il va être converti en dollars américains, c'est-à-dire que ça va... un peu ça vous a fait augmenter la valeur du dollar américain parce qu'il est plus en demande. Et là, plus personne veut du rouble. Donc, encore une raison pour que le rouble descende en valeur. Plus personne en veut, donc ils sont plus encore. Comme on dit, comment contre ça? qui est dans le trouble. Il est dans le trouble. Comme si on dit l'offre et la demande, personne n'en veut, ça n'a plus de valeur. C'est ça. C'est un jeu de mots avec groupe, t'avais vu, moi. Ouais, c'était trop facile, j'avais pensé depuis tantôt, puis je l'ai pas fait. Est-ce que tu me niaises? Pour vrai, c'est un jeu de mots. Arrête. Mais non, mais. Répète-le, juste pour voir. Juste pour être sûr que tout le monde le comprenne, ok, attention. Rouble, ok. Rouble, il est dans le trouble. Mais c'est parce que moi, ça fait comme 15 minutes que je pense que je me retiens de pas le faire parce que je trouvais ça trop basic. On fait la une journée de Montréal avec ça, je pense. Que Laurent a pas compris. C'est ça, puis un jeune. Sans mitaine, ça a eu le Journal de Montréal, comme de quoi que les jeunes se promènent sans mitaine pis sans tuque. Ils ont mis ça sur le Journal de Montréal. Tu niaises? Je te jure. Ah. Cette semaine, je te jure. Le gars, il est avec son manteau, avec du bling bling, pas de gants, pas de tuque, pis il y a des flèches pour pointer, genre. Ben, parce qu'on l'a pas. Comme pour, mettons, si je pointais le jeu de mots trouble, tu sais, ce serait quand même un petit peu niaiseux. On disait, excuse-moi, j'étais. Ouais. Comme si c'était un graphique au hockey, on fait des. Ouais, c'est ça. Il y a pas de gants, man. Ça a eu le journal. Donc, c'est pour ça qu'on se dit en ce moment qu'en Russie, la situation économique est pire qu'en 2008-2009. Donc, le rouble, si on peut dire, est dans le trouble. il fallait 32 roubles pour faire 1 $ US au mois de novembre 2013. Et maintenant, 16 décembre, si on peut dire 2014, il faut 68 roubles pour 1 $ US. Donc, perdu à peu près 3 fois sa valeur. De 32 à 68. Donc, c'est ça, ça ne vaut plus rien. La Russie va devoir travailler fort et essayer de respecter ses voisins et pour que la communauté internationale la respecte à son tour. La Russie, pas facile. Et c'est un sujet qu'on, en tout cas, moi, dont j'entends pas vraiment beaucoup parler, oui. La Russie. Donc, je suis content d'entendre parler. J'avais vu que Apple avait monté les prix dans l'App Store russe. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça parce qu'en effet... Il gardait, si on peut dire, toujours le même prix en roubles, ouais, en se disant, bon, parfois un iPad va être 800 roubles. Mais tu sais, le 800 roubles, il vaut plus ce qu'il valait, tu sais. Fait que... Et pas ce qu'a déjà été, pas ce qu'a déjà été. Donc l'iPad, finalement, il revient pas cher. C'est ça. Avoir su, je serais allé en Russie acheter ben des iPads. Mm-hmm. Voilà, voilà. Et avoir su, j'ai manqué mon coup. Un petit snack de pain russe, j'imagine qu'il y a ça dans tous les cafés, j'imagine. Ah, j'en doute pas. C'est comme aller en Chine puis demander des egg rolls. Tu t'espères qu'ils ont ça partout. Mais on peut aussi une vinaigrette, les Russes. Elle n'est pas rouge, hein? Une vinaigrette rouge. Non, c'est la place rouge. Place rouge? Non, je pourrais pas dire s'il y a une sauce. Ça se peut aussi. Je confonds tout le temps une place puis une vinaigrette. Là. Désolé. Je me sentais comme Guy Mongrain dans ta chronique aujourd'hui, avec mon jeu de mots de trouble. Tu sais, c'est genre le jeu de mots que Guy Mongrain aurait fait. Salut, bonjour dans le temps. T'sais. J'aime ça des fois. Hey, salut, bonjour. Ça met de la couleur. Ouais. Ouais, oh ouais, moi aussi j'écoutais ça avec Guy Mongrain, je l'écoute plus maintenant. Non. Il y a plus le monsieur qui fait la revue de journal le matin. Hey, c'est la grosse. Alors moustache. Aujourd'hui dans le soleil, il s'est passé. Tu sais, mais il y a plus ça avec Gino Chouinard, c'est fini ça. C'est fini les. Exit revues, l'époque des revues de presse avec un vieux monsieur moustachu. J'aurais aimé ça qu'il parle du Journal de Montréal avec un garçon ouvert, avec un manteau ouvert. Pas de foulard, manteau détaché, pas de sucre, pas de gants, pas de bottes. À la mode à moins 31 degrés Celsius. Non, mais Jean-Luc Mongrain aurait été bon aussi avec ça là. Des patoufles! Les patoufles! Il est moins 31 degrés Celsius, il porte des patoufles! Ah, c'est parfait comme une. Il y a un t-shirt d'Avenged Sevenfold, tu vois bien que c'est un rebelle. Tu sais, si tu fais un journal qui fait rire de toi, tu fais cette une-là, puis c'est gagné, c'est dans la poche. Je sais pas s'ils l'ont payé, le petit gars. Il y a du monde à l'université comme ça, là, de toute façon, c'est pas juste pour les jeunes adolescents. C'est non seulement pas une nouvelle, à la mode. C'est pas à la mode en plus, parce que c'est pas vraiment à la mode, c'est pas assez rien. Ah, mais voulais-tu dire que c'est la mode qui fasse moins 31 degrés Celsius? Ah, peut-être. C'est ça. C'est un commentaire social, en fait. C'est super sage de la part du Journal de Montréal. C'est vraiment un commentaire personnel. Un éditorial météorologique. Voilà. Comment ça fait que tu ne parles pas des vraies nouvelles de même, Laurent? Pourquoi tu nous parles de conflits au Boko Haram, puis toutes ces affaires-là? La prochaine chronique, on va ouvrir les rideaux du studio, puis je vais vous parler de leur température dehors. S'il te plaît. Alors là, vu d'ici, des flocons, je vois la rotonde de l'UQTR. La rotonde qu'il a dit, je pense. Le gars, ouais, il porte des tucs, il porte une tuc, mais il a pas vraiment de bonne botte. Oh, là, il vient de glisser, fait qu'il vient, il retombe. Il retombe? Il a glissé notre fois, il retombe. Ah, c'est un jeu de moelle qui m'engraine! Faut les souligner, ces jeux de moelle qui m'engraine. Bon. Merci, là. Fort Boyard. C'était Fort Boyard. Chef Boyardi. Fait que là, c'est pas le bon moment pour aller dans ce coin-là, la Russie. Je fais attendre. Faites attention. Asie non plus. Dans quel coin? Ben, tout ce qui est Air Asia, là. Ah, oh, hey, y a-tu des avions qui tombent? Mais c'est parce qu'il y a encore un avion qui s'est écrasé, là. Ouais. Là, ils ont dit, hein, c'est peut-être pas les avions, finalement, le problème. C'est peut-être les pilotes qui sont pas tant formés. L'autre, qui était quoi? Il était genre sur son en train de checker son GPS, je sais pas trop quoi. Il y a pas un pilote d'avion qui était déconcentré par quelque chose? Je sais pas, mais il y a un moteur qui a flanché, mais est-ce que... Les experts disaient, oui, ça se peut qu'il y ait un problème technique, mais un bon pilote va savoir... Comment réagir. T'sais, ici au Canada, pour être pilote de ligne, là, t'as les cheveux blancs quasiment. Là. Ouais, les gros avions, là, t'en as du vécu. C'est pas le jeune premier qui va faire ça. Là. Ouais. Ah, je te dis, ces avions-là ont des revirements de situation ou encore des pilot twists. Pilot twist, mais pilote à la place. Pilot twist. Y a-t-il le pilote dans l'avion? Y a-t-il un plot dans le film? Genre, c'est le mot en anglais pour scénario. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Le top 10 des gens qui ont piqué leur découverte à d'autres. Hein? Faut pas se faire chier avec le club des usurpateurs. Ben oui, quand on veut rester dans l'histoire, deux solutions s'offrent à nous. Faire une découverte qui envoie du pâté et ou devenir un dictateur très méchant, de préférence avec une moustache. Le souci, c'est que de faire une super découverte qui va révolutionner le monde scientifique n'est pas donné à tout le monde. Alors, parfois, il faut aller chercher de l'inspiration là où elle se cache, à savoir chez les autres. Et le pire, c'est que parfois, ça passe comme une lettre à la poste et tout le monde pense que t'es un génie. Entre autres, Christophe Colomb. Si vous êtes allé à l'école, on vous a normalement appris que l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb le 1492. Bon, ben déjà, la découverte de l'Amérique est assez discutable quand on sait que l'Amérique était tout ce qu'il y a de plus habité depuis un méchant temps par plein de gens qui étaient très contents qu'on leur foute la paix. Mais pour couronner le tout, il semblerait que pas mal de types aient découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Outre les Carthaginois, qui aurait atterri là après des guerres puniques. Il y a en effet été prouvé que le viking Leif Erikson et son équipage avaient colonisé l'Amérique du Nord vers l'an 1000. Venant du Groenland, ils auraient posé leur bagage à Terre-Neuve, plus exactement à Lance-au-Meadow, site depuis classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il ne faut pas oublier non plus Amerigo Vespucci. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'on s'appelle l'Amérique. On ne s'appelle pas le Colombo. Hein? Autre usurpateur de grande envergure, Alexander Graham Bell. Le 14 février 1876, les avocats de Bell déposaient le brevet du télégraphe harmonique futur téléphone à l'Office américain des brevets, faisant de Bell l'inventeur du téléphone pour tous les livres d'histoire à venir. Le petit souci, c'est que, comme l'a reconnu la Chambre des représentants des États-Unis en 2012, le téléphone était en fait une invention d'Antonio Mochi. En effet, dès 1850, ce dernier avait créé le télétrophone, ancêtre du téléphone dont il serait fait mention dans un journal américain 10 ans plus tard. C'est à ce moment-là qu'Edward B. Grant, vice-président de la Western Union Telegraph Company, prendra contact avec Mochi pour lui demander une démonstration, lui proposant d'entreposer son matériel dans ses locaux. On soupçonne alors Bell d'être allé jeter un coup d'œil au prototype de Mochi dans les locaux de la Western Union Telegraph Company. Il n'a ensuite plus eu qu'à attendre que Mochi perde les droits sur son invention, faute de sous pour les payer, pour déposer son propre brevet en 1876. Une attitude loin d'être légale et gentille. Donc, hein, un autre qui s'est fait voler. Un autre ici, un crosseur total, et je vous en ai déjà parlé sur les ondes de C'est Fou, parce que tout le monde dit « Oh, l'inventeur! » Ouais, Thomas Edison, grand spécialiste dans l'usurpation des découvertes. Thomas Edison a donc pompé la lampe à incandescence à l'anglais Humphrey Davy, la chaise électrique à Harold P. Brown, la caméra à William Dixon, la photo à rayon X à Willem Röntgen, le négatif sur papier ciré à Gustave Legray et le phonographe à Édouard Léon Scott de Martinville. À part ça, il s'est aussi très librement inspiré des recherches de son grand copain Nikola Tesla, la grande spécialité du bonhomme qui avait tout de même l'air d'être une belle enflure, était de faire bosser les gens dans sa Edison General Electric Company, devenue ensuite la General Electric, puis de déposer les brevets de leur invention sans mentionner leur nom. Pour info, Thomas Edison est mort blindé d'argent alors que Nikola Tesla a passé ses dernières années dans la dèche la plus totale. Et on sait que Tesla était beaucoup plus intelligent et beaucoup plus inventif que Thomas Edison. Lui, c'était un usurpateur, un opportuniste et un crosseur. Il y a Guglio Marconi. Eh bien oui, en 1895, Guglio Marconi présentait son prototype de radio à Londres, affirmant au monde entier qu'il s'agissait de là son invention. Le problème, c'est que le prototype en question ressemblait tout de même beaucoup à ceux développés justement par Tesla dans plusieurs articles publiés quelques années plus tôt. Et même si Marconi a toujours nié en bloc avoir copié sur son petit camarade Tesla, qui est tout de même considéré comme le père de la télégraphie sans fil, a toujours affirmé avoir développé ses appareils des appareils similaires à celui de Guglielmo, dès 1891. A priori, on n'aura jamais vu le fin mot de l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait vraiment pas de bol, ce brave Nikola Tesla. C'est vraiment quelqu'un qui est, je vous dirais, le plus grand inventeur des 200 dernières années. Un génie. Sinon, Orville et Wilbur Wright. Les frères Wright sont connus pour avoir réalisé le 17 décembre 1903 à Katy Hawk, en Caroline du Nord, le premier vol motorisé. Ce que l'on oublie souvent, c'est que le Néo-Zélandais Richard Peirce a réussi la même performance quelques mois plus tôt, le 31 mars 1903. Et le pire, c'est que l'avion de Peirce ressemblait beaucoup plus aux avions modernes que celui des frères Wright. Mais l'histoire est une pute et plus personne ne se souvient de Richard. C'est triste, hein, tout ça? Sinon, ici, Thomas Hunt Morgan, prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1933 pour ses découvertes liées au rôle joué par le chromosome dans l'hérédité. Thomas Hunt Morgan est considéré comme l'un des plus grands généticiens du 20e siècle. Une gloire évidemment amplement mérité, sauf que le petit Thomas a oublié de préciser que c'était son employé au Burn Marne College, Nettie Stephen, qui avait en effet découvert en 1905 que le sexe de l'enfant était déterminé par les chromosomes et non par des facteurs extérieurs comme on le pensait autrefois. Mais voilà, les droits de la femme étant ce qu'ils sont à l'époque, la malheureuse a vu sa découverte tout bonnement rétribuée à son boss. Donc c'était son employé féminine. Sinon, Alexander Fleming, l'Écossais Alexander Fleming, est resté dans l'histoire de la médecine pour sa découverte de la pénicilline en 1928. Il se trouve que la pénicilline était déjà utilisée depuis plusieurs siècles dans certaines tribus d'Afrique du Nord. En France, c'est le docteur Ernest Duchesne qui avait, lui, démontré dès 1897 que l'on pouvait soigner des cochons d'Inde malades à l'aide, de la typhoïde grâce au Penicillium glaucum. À l'époque, le brave avait demandé à approfondir ses recherches, mais l'armée où il bossait ne donnera pas suite à sa demande. Ernest Duchesne ne remettra plus jamais les pieds dans un laboratoire et Alexander Fleming décrochera 48 ans plus tard le prix Nobel qui aurait amplement mérité M. Duchesne. On est rendu justement à Charles Darrow. En 1931, Charles Darrow, chômeur de son état, découvre chez des copains un jeu inventé quelques années plus tôt, en 1904, par Elizabeth Maggie et baptisé The Landlord Game. Séduit, il décide de créer un jeu très très proche et le propose à la compagnie Parker Brothers qui, le trouvant trop compliqué, refuse d'acheter les droits. Charles Darrow le commercialise alors par ses propres moyens et fait un énorme carton. En 1935, Parker Brothers revient donc vers lui et lui achète les droits du Monopoly. Et maintenant, il est né. Donc, c'est un jeu copié. Se rendant compte qu'il s'agissait tout de même d'un beau plagiat, la marque contacte Elizabeth Maggie en 1936 et lui achète également les droits de The Landlord Game pour une bouchée de pain. Elle aurait pu négocier un tout petit peu mieux quand on sait que le Monopoly, traduit aujourd'hui en 43 langues, possède plus d'un milliard de joueurs dans le monde entier. Donc, Charles Darrow, un autre bel opportuniste. Donc, des fois dans la vie, hein, c'est pas d'être intelligent ou d'inventer la bonne chose, c'est d'être un crosseur et d'être opportuniste. C'est triste à dire, mais c'est ça. Isaac Singer et son entreprise mythique sont souvent associés à la création de la machine à coudre domestique, hein, la fameuse Singer, commercialisée par ce dernier en 1851. Eh bien, grossière erreur, Elias Howe avait déjà déposé un brevet concernant une machine à coudre tout à fait similaire à celle de Singer dès 1846. Donc, cinq ans plus tôt, se rendant compte qu'il s'était clairement fait pomper son idée, voler l'idée, Howe a attaqué Singer en justice et a obtenu, après un procès, le partage des bénéfices sur la vente des machines à coudre Singer. Pour info, la première machine à coudre datait, elle, d'encore avant... Attends un peu... pour info, la première machine à coudre datait-elle d'encore avant, puisqu'un certain Walter Hunt avait déjà mis au point un système très similaire à celui de Singer et de Howe dès 1834. Il n'avait alors pas déposé de brevet, faute d'argent. Hein? As-tu vu? Fait qu'imagine, Isaac Singer a copié Howe, puis Howe avait peut-être copié plutôt M. Hunt. Et finalement, on va arriver plutôt dans l'époque moderne de nos jours. Un autre grand usurpateur de l'industrie, eh bien, je vous le donne en mille, Steve Jobs. Créé pour remplacer les interfaces en ligne de commande trop compliquées à utiliser pour un non-informaticien, l'interface graphique est mise au point par la compagnie Xerox, compagnie de photocopieurs, à l'occasion de la sortie du Xerox Alto en 1973. Pour la première fois, cet ordinateur dispose de pictogrammes imitant les outils de bureau classiques, dossiers, documents, classeurs, calculatrices, machines à écrire. Curieux de cette nouvelle interface, Steve Jobs et son équipe visitent le centre de recherche de Xerox Park vers 1970. En 83, Apple sort Lisa, ordinateur grand public liant l'interface graphique et souris, parce que la souris aussi, ça vient de Xerox. L'année suivante, c'est au tour de Macintosh d'être commercialisé. Pas si réglo que ça, le Steve Jobs. Et aussi, Steve Jobs, eh bien, c'était le gars qui avait les idées. Hein? C'était pas lui qui créait les machines en tant que telles. Allez en parler avec ses collègues, voir si c'est lui qui a créé le Apple et le Mac. Alors, c'était nos top 10 des usurpateurs les plus célèbres. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.